Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais. Il y a plus de 3-2. Hein. Ah ouais, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Refais-le. Vas-y. Ok. 3-2-1. Attention. Ouais. Alors attends, je... 3-2. Bah, t'es un gros bébé. J'ai donné toute mon énergie pour faire cette blague. Je ne dirai plus rien de drôle jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné par un mec qui est dans une énergie qui me gifle en fait actuellement. Alors où on parle, tant il est dans une énergie folle, le seul, l'unique, Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Ça va. C'est drôle. C'est vraiment, ça en dit long sur moi quand je dis ça va, ça fait rien. Non, mais parce que je sais. Oui. Non, voilà, j'étais un peu malade. Oui, tout, je me suis tout. Dit pourquoi pas après avoir eu la chiasse, pourquoi pas dégueuler. Donc j'ai fait ça ce week-end, c'était cool. Trop bien, franchement. C'est ça ta recoculture. C'est ça ma reco, ouais. J'ai les pas. Semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Vraiment, c'est des petites non, nouveautés à chaque là, fois. Là, j'aimerais qu'elles se ressemblent un peu plus. Enfin, pas ce week-end, mais genre. Il y a 3 semaines à peu près. Hydrate-toi, mon salaud. Alors, nous sommes avec. Mais oui. Cette semaine, alors là, deux reines, tout simplement, deux fauves, de deux sœurs, oui. De Lyon. Nous sommes avec. Oh, et si, puisque nous sommes avec, j'ai envie de dire, les deux amis de la scène culturelle française, les deux BFF. Elles dorment dans le même lit, je peux pas dire. Je peux pas vous dire mieux, des vrais. Mais oui, mais c'est vrai, mais oui, c'est bien vrai. Sûr. C'est vrai. Les jeunes, quand elles voient, elles disent, mais c'est l'amitié que j'aimerais avoir. Vous êtes des couple goals. En amitié, friendship goal. Friendship goal. Comment j'ai envie on de dit bromance en femme? Une six-mance. Une semence, ouais. Une six-mance, une six-mance, on dirait avant une opération du cul, quoi. Oui. Et ça ressemble à six-mance. Ouais, bah c'est Morgane Cadignan. Bonsoir. Et Fanny Ruel. Ouais, bonjour. Comment allez-vous, les bon. Filles? Ça va bien et toi? Ça fait trop plaisir de vous recevoir. Vous êtes moi, un ça peu va. T'as pas répondu, ouais, bah ouais. Moi, ça va. Aucune chiasse. Et toi? Là non plus, il dégueule, ça n'a rien à voir. Non, Morgane, non, j'ai. Et je tiens à remercier tous les auditeurs du Floodcast quand j'étais venue en septembre et que j'ai dit oui, peut-être que les gens en ont marre. Ouais. J'ai reçu vraiment plein de tonnes de messages de gens qui m'ont dit non, on n'en a pas marre. T'inquiète. Et ça m'a fait chaud au cœur pendant 25 bonnes minutes. Quoi. Donc, puis après, ça s'est refroidi. Quoi. Bah oui, bah la vie, quoi, au final. Donc merci beaucoup. Mais non, mais on est trop contents de vous recevoir. Alors en plus, j'ai prévu un petit jeu à la fin de l'émission. Oh, un petit jeu spécial. Je vais te dire, je l'espérais. Ah ouais. Oui, parce que j'ai... Non, mais oui, parce que j'ai écouté. Et à chaque fois, je fais les jeux seul, oui. En vous écoutant. Et j'espérais qu'il y ait un jeu. Je suis très contente. Mais surtout, c'est vrai que de moins en moins, j'en fais un peu de moins en moins des jeux à la fin. J'ai un peu moins le temps, hein, faut dire aussi. Et là, parce qu'on a des amis, on a des amis ES. Ici, il y a des amis S. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit jeu à faire, mais n'en disons pas plus pour le watch time. Non, le dis pas, le dis pas. Non, d'abord, pour commencer, on va faire le jeu du Floodcast. J'espère comme à l'accoutumée. Pourquoi changer la tu vidéo... peux expliquer les règles. Attends, je la vidéo TikTok la plus vue de l'application. Ah, c'est pas la mienne. Culmine à 3,6 milliards de vues. Wow. C'est alors... Gangnam Style. Non. Non. Oui, monsieur. C'est Gangnam Style. Non, ce n'est pas Gangnam Style, monsieur. Est-ce que c'est un petit chat qui fait du piano ou un truc comme ça? Ce n'est pas un petit chat qui fait du piano. Alors bien sûr, je vous dis 3,6 milliards à l'heure où j'enregistre. Ça va sûrement augmenter d'ici là. Vous savez, ça va très vite TikTok. C'est un truc que je dis souvent. Est-ce que ça implique une célébrité? Non. Même pas une célébrité des réseaux? Non. C'est un truc... Un animal? Ouais. Pas un animal. Mais... Est-ce que ce sont des vrais gens ou une vidéo d'intelligence artificielle? Oh là là, les IA, oh là là. Moi, je vais vous dire, surtout, je m'en méfie comme de la peste. Quoi. Oh là là là. Surtout la semaine de la sortie de Black Mirror, je vais te dire, oui, ouais, non, c'est pas par raison. Hasard, quoi. Ouais. Ce n'est ni l'un ni l'autre, non. Ni IA, ni humain. Ah. Attends. Ni animal. Ah, pas d'animal. Un paysage. Pas un paysage. Pas un paysage. Ah oui, ça réduit, ça réduit. Bah, c'est beaucoup trop, je trouve, parce qu'on n'a plus aucune idée. C'est pas un film Ce n'est pas un film. C'est un truc tout noir. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. What the fuck? C'est une vidéo qui ne montre absolument rien. Mm. C'est la publication la plus visionnée sur le réseau social, selon le site spécialisé d'Exerto. Elle... Pardon, la tête de Morgane qui est extrêmement déçue par ce truc. Non, mais trop bien le monde, quoi. C'est de la merde. Alors, vivement. Non mais quelle est l'explication? C'est ça qui me rend fou. Elle est loin d'être la plus appréciée, attention, puisque sur les 3,6 milliards de vues, elle a seulement 1,1 million de likes. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal, mais ça reste, le ratio est pas dingue. Cette courte séquence a été mise en ligne le 7 juin 2023 par un certain Lazy. Oh mais c'est récent. 7 juin 2023, ça a 2 ans, ouais. Bah quand même. Ouais, je me rends pas compte sur TikTok. Il s'agit d'une image noire qui reste. Ça va très vite, tu sais. Mais de plus en plus, j'ai l'impression. Oh là là, avec les IA. Moi, je vérifie comme de la peste. Et c'est vrai que souvent les gens qui sont sur leur téléphone, ils restent des heures. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est un, c'est un vortex. Ouais. Moi TikTok, je l'ai désinstallé, c'est un vortex. Mais t'as raison, mais t'as raison, Morgane. Des heures. Il s'agit d'une image noire qui reste quelques secondes. La séquence reprend ensuite automatiquement une fois la vidéo terminée. Donc, ah, mais c'est pour ça. Ah, bah, c'est une boucle, c'est une boucle. Oui, mais TikTok, mais c'est pas rien, toujours une Florent. Boucle. Mais Fanny, je te le dis comme je le pense. Et c'est un certain Lazy qui a mis ça en. C'est LASI, ouais. C'est d'ailleurs ce qui explique le nombre de vues. Selon nos confrères, les internautes regardent plusieurs fois la vidéo sans s'en rendre compte. Bah oui, parce qu'ils se disent, ah bah ça a bientôt commencé. Ça commence par un truc noir. Et en fait, ils l'ont déjà regardé 12 fois. Et voilà. Dans le panneau, mais, quoi. Il y avait une traîne comme ça à un moment de gens qui faisaient des vidéos de boucles ultra courtes avec un bruit qui faisait pup. Ouais, exactement. Et du coup, bah, ça leur faisait plein de vues, mais en fait, c'était juste qu'on regardait une boucle d'une seconde. Mais c'était le truc de Vine aussi. Tu faisais un peu ce truc de finir sur un truc qui devait recommencer au début. Ouais, pour c'était 6 secondes au moins quand même. Ouais, voilà. C'est là, c'est vraiment très court. Et c'était un exercice de style. Là, c'était vraiment dans le but de. Genre, c'était une seconde juste dans le but de. D'amasser un max. Enlève ses lunettes, je t'en supplie. Voilà. Faut que j'explique aux gens. Adrien a sur le nez les lunettes de ma fille. Mais que j'ai sur une des une des photos du podcast sur le compte. Mais ça te donne un style. En fait, je me sens en 2004. Matrix est sorti. T'es allé en boîte à un concert de Prodigy et tu t'es dit je vais être un peu fantaisiste. Elles sont roses. On enregistre à midi, vient sortir de boîte. Ouais. Ouais. Je me suis pas couché là. Il a encore les pupilles dilatées. T'es tequila tex pour moi. Là, je vois tequila tex. Donc. Et quel est le problème? Non, j'ai pas de problème avec tequila tex, mais c'est vrai que c'est pas mon Adri quoi. Moi, je vois tex. Malheureusement. Elle voit pas de tequila. T'as su trouver les mots pour me le faire retirer. Elle voit texte sous tequila, ce qui est le pire texte. ce qui est mon père. J'ai senti là, parce que je voyais que ça connaissait un peu les trends, j'ai l'impression que Fanny, tu vas pas tant que ça sur TikTok. Oui. Non, pas du tout. Et que Morgane, beaucoup plus. Pas du tout. Ah ouais? Non, mais tu connais les trends quand même. Non, je poste, mais je regarde. C'est Fanny qui disait ça, je regarde les TikTok comme les gens de mon âge, c'est-à-dire sur Insta. Oui, voilà, des reels. Bah oui, mais sauf. Mais TikTok, t'as un compte TikTok quand même? Ouais, je mets sur TikTok ce que je mets sur Instagram parce que je me dis autant faire d'une pierre deux coups. Mais, mais je n'y vais jamais plus après quoi. Oui, c'est ça, tu regardes pas vraiment comment ça prend les. J'ai déjà un temps d'écran que j'ai un mal de chien à faire baisser. Ouais, qui est encore vraiment. Ah ouais, c'est abusé, qui est encore vraiment trop. Et c'est quoi qui te prend le plus? Bah en fait c'est Insta, WhatsApp. Ouais, WhatsApp c'est fou hein. Ouais, je tchatche beaucoup. Ouais, moi aussi. Non mais on dirait un positionnement. Ouais, je tchatche. Non mais ça me prend du temps parce que comme toutes nos boucles de travail, de production, de machin, c'est dans WhatsApp. Oui. Bon, et des coup, amis aussi. Grave, non, moi c'est juste toi Morgane. Bon, mais j'ai une prod hein. Et on s'endort en FaceTime en fait. Toi aussi beaucoup de WhatsApp, Fanny? Beaucoup de WhatsApp, ouais. Mais là, je plafonne à 2h30 par jour. Ce qui est très bien. Hein. Ouais, c'est rien, au total. C'est dalle, ouais. De téléphone, ouais. Wow. Elle a enlevé Insta. Ouais. Toi aussi, Adrien, non? Non, je l'ai tu pas l'as enlevé. Remis. Non, moi, j'ai juste une limite au bout de 30 minutes qui me dit, enfin, qui me bloque l'appli, entre guillemets, mais je peux le débloquer, genre, pour 15 minutes. Comme quoi, ça, tu te sens comme une merde deux fois. C'est ça ouais. Non, mais au moins, je sais que je suis en train de faire des heures sup quand je le débloque et tout. Donc, il y a un côté, j'y vais moins quand même. Puis, j'ai aussi moins envie d'y aller, donc j'y vais moins. Mais je suis quand même beaucoup plus que. J'aimerais beaucoup être à 2h30. Ouais, c'est rien du tout, hein. Franchement, ça va. Et t'aimerais baisser encore ou ça? Tu dis non, là, ça. Si, non, j'aimerais baisser. Parce que 2h30, c'est quand. Ouais, bah, va vivre en zone blanche. Quoi. 0h Moins 2h, bah, c'est pas possible. Non, mais j'aime bien, ouais. Tu vas acheter un téléphone de dealer? J'en ai deux. Ah, non. Oui, mais pour non, dealer. Non, en vrai, oui. Ça n'a rien à voir. Vraiment vendre de la kétamine à des enfants. J'en profite pour passer une petite annonce. S'il y en a qui nous écoutent. Non, mais ouais, j'aimerais baisser encore un petit peu. Mais 2h30, c'est parce que des fois, j'ai déjà beaucoup de WhatsApp et parce que Instagram, je le mets quand même pour poster des trucs. Sauf que bah, tu connais, tu postes un truc, t'en regardes un. Il y a quelques commentaires, voir comment ça prend. Voilà. Et voilà, la boucle. On la connaît. Un sondage CSA, mais qui n'a rien à voir avec le CSA. Je vous dis que c'est un sondage CSA, mais c'est pas le Centre de Sécurité Audiovisuelle. Je sais pas si c'est ça. Je pense pas que ce soit Sécurité. Ouais. Non. Bref, un sondage CSA nous a donné les 9 plats préférés des Français. Vraiment, l'émission Sécurité. Non, bon. Déjà, on dit que c'est pas ça. C'est oui, oui. Peu d'émissions le font. On avoue qu'on a pas de source et qu'on sait pas. Franchement, c'est mieux que CNews, quoi. C'est pas des IA, ça. Ah, moi, je m'en méfie, mais comme de la peste. C'est mon nouveau running gag, pardon. C'est pas de l'IA, ça. Je te hein, suivrai c'est... à chaque fois, jusqu'au bout des mondes, comme dans Pirates des Caraïbes 3. Donc oui, les 9 plats préférés des Français, je vous demande le top. Le couscous, mais qui a été détrôné, je crois. Alors le couscous est 4e. J'ai une question. Oui. Des plats français? Non. Mmh, pas, le couscous, c'est quatrième. Ok, il y a les pâtes couscous. Alors. les Jean-Jacques Goldman. les pâtes n'en font pas partie. What, c'est la grande surprise. Ouais. Le ouais, bœuf ouais. bourguignon. Le bœuf bourguignon est cinquième. Il est sous le couscous. Les lasagnes. Hein. Les lasagnes. On dirait une expression pour dire que t'es pas en forme. Ouais. Ouais, je suis sous le couscous, mais. Le nouveau s'envoie du sexe peut-être. Le dernier qui a été dit, c'était quoi? Lasagne. Lasagne, non, lasagne n'y est pas. Alors, n'y est pizza, pas. Alors. La pizza n'y est pas. Et moi, what, ça, mais c'est quoi mon. Ouais. Le burger. Le burger n'y est pas non la plus. Burrata, la ça serait, burrata, je serais vraiment déçu des Français. N'y est pas, la burrata. Non, bah, le hash, non. Non. La raclette, la raclette. Toi, t'aimes pas la burrata? Si, mais on a marre. Comment ça, il y en a marre? Non, mais il y en a marre de la burrata à toutes les sauces en terrasse l'été, quoi. Je t'ai entendu dans un autre podcast, celui de Test from the Click, pour ne pas le citer. Ah, si, mon doigt est tendu, je te dis tout de suite. Où tu n'aimais pas les petits bars, les petits restos à concept. Mm-hmm. Ah, oui, mais ça, d'ailleurs, c'est ce que je l'avais, oui. je l'avais dit à ce micro. Bah, moi, je déteste pas. Voilà, je le dis. Je ah le non, dis. Alors là, je peux aimer. Ça, c'est red flag. Écoute, ça. Adrien et moi en micro croisé, on t'encule. J'entends. Genre, les bars à coquillettes là, je peux mettre le feu à l'établissement quoi. Un bar à cordon. Alors, j'ai une moi. Question. Mais où est-ce que tu manges des coquillettes si t'as envie de bonnes coquillettes? Chez toi. Et vraiment, c'est si tu vas au resto. C'est pas le resto. C'est pas non, resto. Non, mais tu vas au resto pour manger des coquillettes, va te faire foutre quoi. Mais pourquoi? Non, et surtout. Non, mais attends, c'est pas la question. Là, c'est de la manipulation ce que t'es en train de faire. Quoi? Non, non, non. Quel malade. Ta question. Je te vois venir. Non, c'est moi qui te fais insulter. Je dis pas, t'as pas le droit de faire des coquillettes dans un resto. Dire, on fait que des coquillettes, ouais. Oui, va te faire foutre. Attends, ça existe ça, ouais. Ça a existé, je crois. Les, que ça fait moi, je suis agacée. Bizarrement. Moi, je suis agacée pour ma part depuis le premier bar à céréales, donc depuis 2012. Non, c'est, ça... c'est devenu le pot de chiasse en fait. C'est juste que je suis l'invité. Il y a toujours eu un peu. Il y a eu un peu cette vibe. Il y a eu toujours. Non, mais alors bar à céréales, je comprends, mais. Mais vous avez vos trucs au restaurant, un café. Pourquoi il y aurait droit à un café et pas un petit bol de céréales? Non, mais je fais l'avocat du diable. Mais parce que permets. Les céréales, mais... c'est le matin, si t'as envie d'avoir une hygiène de vie pas naze. Donc tu vas pas. Panazotis. Tu peux être un 4 Panazotis. Pasco, bien sûr. Pasco. non, mais enfin, qui va dans un bar, sort de chez lui pour se faire un non, mais... bol de céréales? Encore ouais, une fois. Grave, ce serait horrible de faire ça. Oui, encore une fois. C'est le fait de ne faire que ça qui me rend fou. Oui, d'accord. Le café, c'est pas genre ah on fait que du. Eh bah céréales et coquillettes. vous voulez un thé? Non, c'est que du café. Mais par contre, on a du café à la cannelle, du café. Qu'un bar à sodomie. Là, moi, c'est oui. Ouais. Là, j'y vais tout de suite. Mais qui fait que quoi. Ça, vraiment non, on n'a pas. Non, c'est vrai. Que... Non, mais par contre, si. Il y avait des. Par exemple, des restos proposent des coquillettes, ça vous dérange pas? Non. Mais non! Voilà, c'est les ça, trucs on est de genre. T'as mangé des coquillettes au resto ce midi? J'ai envie de coquillettes, vous me voyez? Ouais. Non, mais vous voyez. Pour moi, on en revient toujours à la même chose, c'est. Vous faites vos intéressants. Oui. Ah, nous, on fait que des coquillettes. Ouais. Bah. Tu et mérites souvent, de fermer. Derrière tu ça, mérites c'est de des fermer. Start-upers, c'est même pas des passionnés oui. de coquillettes. Si c'était un féru de coquillettes. Non, mais qui me dit. Non, mais quel... les mots sont dits. Non, mais qui vit pour la coquillette et qui oui, suit son rêve. Pourquoi pas? Mais donc mais t'aimes là, pas, c'est juste des mais donc t'aimes mecs pas les pizzerias parce qu'ils font que des pizzas. Oh, il faut leur intéressant un peu de proposer que des pizzas là. Non, non, c'est pas pareil. Il est dans le vice de forme. Vous êtes procédurier, monsieur Bernard. Écoute, moi, j'appelle ça l'exception qui confirme la règle. Il est possible qu'en septembre, je remplace Julien Courbet sur. Non, mais en pas. Plus, tu fais pas ton intéressant en 2025 quand tu ouvres une pizzeria parce non, que ça existe depuis sûr. Des siècles. Non, mais peut-être que dans 20 ans, dans 200 ans, les bars à coquillettes, les coquillettas. Vu qu'ils se ferment au bout de 3 mois tous, oui, je pense pas, mais. Et avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Oh! Pas papo! C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez pourquoi je dors c'est avec? De ma vie. C'est comme se brancher sur secteur, quoi. En termes de philosophie. Et c'est pas de l'IA ce qu'elle vient de dire là. Non, c'est, oh là, c'est, non c'est, ça, ça sort d'un cerveau humain. Ouais, moi je m'en méfie comme de la peste. Mais moi j'avais vu aussi un truc, je pense que ça va encore plus vous énerver. C'était un c'était un resto qui ne proposait. Il fait exprès. Non, mais parce que je vous connais. Ce sont des restaurants uniquement avec des plats un peu pour enfants. Mais pour les adultes, c'est-à-dire qu'il y avait coquillettes, mais il y avait aussi. Attendez, je sais des céréales du coup. Non, il n'y a pas des céréales. Non, il y a du steak frites, il y a des oui, petits voilà, nuggets exactement. De poisson, il y a ça, du poisson pané. C'est une brasserie quoi. Non, bah là c'était vraiment genre des plats donc un peu. C'est une très mauvaise brasserie. C'est le menu enfant du Buffalo Grill, mais pour tout le monde quoi. Pour les adultes, exactement. Bah va dans un resto et prends un menu enfant, qu'est-ce que je te dis. Alors ça, alors. T'as pas le droit en plus. T'as pas le droit, et ça c'est un truc qui peut m'énerver. C'est mais parce que ouais. c'est moins cher. Bah, tu vois, je dis, mais faites-moi, je veux un steak frites, vous me le faites au prix normal. Et non. Mais cela dit, les menus enfants sont jamais dingues hein, pour non, les enfants. Non, mais un steak frites, c'est. Florent, non, j'ai un enfant, j'ai un enfant. Oui. T'inquiète. Non, j'ai un enfant, j'ai un tu enfant. Tu glisses là. mais ça ne nous dit pas, vous n'avez même pas trouvé le numéro. Bah oui, mais j'ai dit la raclette. T'as dit la raclette, la blanquette, la raclette de est deuxième. L'autre truc. Est-ce que c'est très très français? Tartiflette. Le numéro 1, j'ai l'impression que c'est très français, ouais. J'ai Est-ce que c'est un coq à quelque chose? Non, c'est pas un coq à quelque chose. Du lapin. En revanche, poulet rôti. J'ai fait une erreur, Fanny, et je te présente mes excuses, que la pizza est troisième, effectivement. Ah bah tout de même. Ouais, ouais, ouais, tout de même. C'est pas de la blanquette de veau? La blanquette est sixième. Ah, ouais. Ils en restent pas beaucoup, hein. Ils en restent pas beaucoup. Pourtant, c'est odieux. Il en reste la neuvième, la huitième, la septième. T'es pas sûr que ce soit français? Donc on peut. T'as dit. Non, mais c'est pas une spécialité française, c'est pas du fromage ou du. Voilà, mais en France. Ah, c'est pas un plat. Toutes les brasseries en proposent quasiment, tu vois. Le steak frites. Pas le steak frites, mais c'est. Une hamburger. Les frites en accompagnement, pas le burger. Le fish and chips. Ah, les moules frites. Pas les moules frites. Le truc entre les côtes, là, comment ça s'appelle? L'entrecôte. Ah oui. Ok, c'est. Je précise que c'était pas fait exprès ni de l'IA d'ailleurs. Mais. Je m'en fiche comme ça. C'était... Ah ouais, non, Fanny. Écoute, mais non, mais c'est elle en tournée, là, en Fanny. Je suis mon bébé. Ah ouais. Ah, c'est le truc entre les chocolats. Cuisine peu. Ah, c'est la meilleure blague. Ah putain. Attends, c'est pas croque monsieur, c'est pas hamburger, c'est pas de la viande. Ah, si, un vol au vent, un vol au vent. Un poulet frite, un poulet frite, un simple. J'ai dit poulet rôti tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, pardon. Mais t'as pas entendu. C'est plus pomme grenaille en plus avec du poulet rôti, donc. Bien dit. Oh non. On se partage la victoire. Sous mon sein, la grenaille. Poulet frite. Oui, oui, oui. T'es au bon endroit. Poulet frite, raclette, pizza, couscous, bœuf bourguignon, blanquette et les trois derniers. Je vais vous donner, parce que ça a rien. Allez, voilà. La quiche lorraine, la paella et neuvième, la choucroute. Ah ouais, c'est vraiment le choix. Ouais. C'est bâclé à la fin. Ah, à la fin, il y a paella, des... oh, c'est bon la choucroute. Ah ouais. Ah, moi j'ai ouais, jamais aimé. Je serais allé plus sur la paella. J'ai jamais... La paella, ça n'a aucun sens. Des et pourtant, je suis. Ouais. Non. Je suis espagnol pourtant. Mais... J'en peux plus qu'il râle. Ça n'a aucun sens de mélanger les fruits de mer et la viande. Non, ça n'a pas de sens. Ah, j'ai des carottes. Oh, mais t'as... Oh, mais mangez vos carottes. T'es trop con. Attends. C'est longue histoire, mais elle doit me ramener des carottes. Ah, okay. votre plat préféré? Question que je tiens à poser à chacun. Tu me le poses à chaque fois. La table. C'est vrai? Ouais. Je suis désolé. Et à Fanny. Chaque fois, on arrive sur le fait que nous deux, on aime trop manger, genre pour se remplir en quantité industrielle. C'est vrai. Ouais. Donc c'est ce que je dégage. C'est trop marrant parce que à chaque fois, je ne sais pas quoi répondre à cette question et il y a genre. C'est pour ça que je la repose. 3-4 jours, j'ai mangé un truc et je me suis dit, c'est peut-être mon plat préféré. Et après, je me suis dit, c'est pas vraiment un plat, c'est une entrée, mais c'est les poireaux vinaigrettes. Ah. Mais si un restaurant ne faisait que des poireaux vinaigrettes. Non, bah non. Vraiment... Bah là, faut y aller vite, hein, je pense, parce qu'effectivement, ils ferment en une semaine. Ouais. Morgane, plat préféré? Ouais, peut-être les lasagnes. Ah, celle-ci. T'es ouais. Garfield en fait. Ouais, exactement. Tel que tu me vois. Miaou d'ailleurs. Et t'as bien raison de le dire. Alors, je vais vite passer à autre chose. En Angleterre. Attends, et toi? Attends. Mais non, mais moi, c'est la raison, Fanny. Je pose la question à chaque fois. C'est une catastrophe. En Angleterre, une association caritative chrétienne propose d'organiser des événements au sein d'église. À votre avis, quel événement? Le sacrifice. Pas de sacrifice. Alors, attends, pardon. Est-ce que tu peux reposer? En Angleterre, il y a une association caritative chrétienne qui propose d'organiser des événements au sein des églises. Donc c'est un truc surprenant, du stand-up. Surprenu, quoi. Pas du stand-up. Parce que là, ils arrivent partout. Hein. C'est bien les derniers à organiser du stand-up quelque part. Mais je crois que le pape, il a reçu, je sais pas combien d'humoristes, il y a pas si longtemps. On en a parlé. Oui, il y avait. Manu Payet, il y avait Redouane. Non, qui devait y aller, qui n'était pas. Il n'y était pas. Avec ta robe là, fils de pute. Non, il y avait en français, il y avait Manu. Il y avait Manu Payette et il devait y avoir Gad, j'imagine, parce que je sais qu'il est très Il est noué. Ouais. Et il y avait Conan O'Brien, enfin voilà, il y avait beaucoup d'Américains. C'est vraiment aussi l'association à laquelle je m'attendais pas, Manu Payette à côté de Conan O'Brien chez le pape. Oui. C'est qui le pape en ce moment? Écoute, je crois que c'est Jean-Luc Reichmann. Après 3 mois de conclave. Non, je sais pas du tout qui est le pape. C'est pas François là? Ouais, je sais qu'il est pas en bonne santé. Ah, mais jamais, hein! Ouais. En général. C'est la règle! Je crois qu'il y a jamais, ouais. Pas François, exactement. Mmh. Je suis avec des petits potes autour. Donc, oui, qu'est-ce qu'ils organisent? Des tournois de jeux vidéo. Pas des tournois de jeux vidéo. Un foot? Pas un foot. Attends, quand tu dis au sein de l'église, c'est vraiment dans le bâtiment ou c'est genre l'église en termes de. Ecclésiastique. Très bonne question. Écoute, j'ai l'impression que c'est dans le bâtiment. Paintball. Pas paintball. Est-ce que c'est artistique? Non, non. Sportif? Sportif, oui. Mmh. Oh. Des cours de danse? Pas des cours de danse. De la poterie. Pas de la poterie. C'est pas sportif. Ça dépend comment tu fais. Je t'ai déjà dit que ça compte pas. Oh, putain, mais ça tourne vite. Quand même, à la fin, j'ai mal au poignet quand même. Tu veux jamais. Ça tourne vite. Un sport de vieux plutôt ? Non. Du kung-fu. Pas du kung-fu, mais on s'approche. Du judo. Pas du judo. Pas de la boxe. Self-défense. Pas du self-défense, mais on est autour de combat, effectivement. De l'escrime. Pas du judo. Pas du judo. Jiu-jitsu brésilien. Du taekwondo. Non, pas du taekwondo. Du Krav Maga. Du MMA. Pas du MMA, pas du Krav Maga. Du catch. C'est donc... Très bonne réponse. Mais pardon. De Morgane Cadignan, des combats de catch. Eh oui, des combats de catch entrecoupés de prières. Voilà l'idée originale portée par la Kingdom Wrestling, une association caritative chrétienne de catcheurs professionnels c'est en pas Angleterre. Les États-Unis. Ah ouais, c'est non, c'est en Angleterre pour attirer de nouveaux fidèles. Initiative pour le moins originale qui ne serait pas incompatible avec les valeurs de l'Église. Selon Gareth Thompson, catcheur professionnel est à l'origine de cette idée. Depuis la première représentation il y a 3 ans à l'église Fountains à Bradford, l'association a fait du chemin, elle a organisé une dizaine de combats et a accompagné plus de 30 personnes dans leur cérémonie de baptême. Toutes les églises ne sont pas réceptives, évidemment, à l'idée d'accueillir de tels événements, mais certaines sont prêtes à miser sur le catch pour attirer un nouveau public à l'heure où des lieux de culte anglicans ont perdu 20% de leur fréquentation depuis 2020. Attirer de nouveaux fidèles. Qui va se dire « Attends, putain, il y a du catch ?» Putain, bah, je suis chrétien. Moi. Ouais, ouais, très honnêtement. Non, mais si t'hésites entre deux religions, il y a du catch dedans. Pas mal, quand même. Non, mais qui change de religion en milieu de vie, c'est rare, quoi. Oh non, ça peut arriver, des gens qui commencer, non mais des gens quoi. Qui n'ont pas. Oui, voilà. Franchement, moi j'ai fait un tournoi de paddle dans une mosquée et et je pense à l'islam. J'envisage. Non mais c'est vrai, il y a des gens qui découvrent la comment on appelle ça la enfin la oui, la religion mais même la spiritualité religieuse tard dans leur vie, tu vois. Ouais, rarement dans un ring quoi. Oui, ouais, oui, bah, c'est justement. Vrai. C'est là le génie. Donc oui, lorsque l'idée lui a été soumise, la révérende Natasha Thomas, qui officiait à l'église Saint Peter's, s'est tout de suite montrée très enthousiaste. Nous voulons surtout montrer que l'église est un lieu de vie. C'est ça aussi. Ah c'est oui. Un peu de dire, on n'est pas juste glauque, enfin, froid et tristoun. Il y a un éventail quand même entre l'église et un combat de catch, peut-être fait juste du karaoké chorale, quoi. Ouais. Chorale, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Vrai. Votre, c'est bien. Mais oui, oui, mais bon, la religion s'est même laissée prendre au jeu. J'adore la mise en scène et que le bien triomphe du mal, a-t-elle déclaré après avoir assisté aux dernières représentations. Donc ça veut dire il y en a un qui représente le mal quand même. Bah il y a un méchant. Il y en a peut-être un, on s'attend. C'est lui qui Jésus, perd, c'est Satan. Super. C'est ce que j'allais dire. S'ils font une mise en scène un peu biblique, c'est pas mal. Voilà. Bah il y a l'Undertaker qui. Jésus il multiplie les pains. Wow. Dans la gueule. La bonne blague d'Adrien. Blague d'Adrien. Oh quel plaisir. Vous voyez, on n'aurait jamais dû dire que t'étais malade à la base. T'es sublime. Ouais, mais c'est encore plus stylé. Tu brilles. Deux hommes vont attaquer une application car ils estiment avoir été dupés par. Les IA, mon pote. Moi je m'en méfie comme de la peste. Exactement, à votre avis, laquelle? Tinder. Attends, ils estiment avoir été quoi? Ils ont été arnaqués par une IA selon eux. Selon eux. Ouais, ouais, bah ouais. Et c'est un truc de rencontre ou pas? Pas un truc parce de rencontre. Que est-ce que c'est lié à leur tub d'une manière ou d'une autre? Oui. Bah oui. Bah deux hommes, hein. Deux voilà. Hommes attaquent. Quoi qu'il arrive. C'est un truc porno? Ça peut l'être. Ah, mais... OnlyFans. OnlyFans, ah. Exactement. Ah. Oui, parce qu'il y a les modèles IA maintenant. Alors c'est pas la raison de leur colère. C'est qu'apparemment, alors je vais t'expliquer, c'est une première pour OnlyFans. Deux hommes originaires de l'Illinois ont saisi en justice la plateforme, clamant qu'ils soupçonnent que des mannequins avec lesquels ils échangeaient utilisaient des robots conversationnels pour leur répondre. Ah. Tu sais, un petit peu comme quand t'as des problèmes avec EDF ou des trucs comme ouais, ça. Ouais, tu, ouais. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de psychiatres qui sont remboursés. Il faut pas, vraiment pas hésiter, les gars. Quoi. Ouais, les plaignants ont déclaré qu'ils soupçonnaient qu'ils parlaient à des chatbots et non aux véritables créatrices lorsqu'ils ont réalisé qu'une seule personne n'était pas en mesure d'envoyer le volume de véritables DM ou de clips vidéo nécessaires pour répondre à la demande de 700 000 fans. Dans le cas de la créatrice de contenu à laquelle il s'adressait. Mmh. Excusez-la de ne pas pouvoir parler à 700 000 personnes. L'emploi de service tiers se faisant passer pour les mannequins ne serait pas la seule arnaque que l'on trouve sur OnlyFans. De plus en plus de contenu généré par l'IA, et ça c'est ce que tu disais Adrien, se faisant passer pour de vrais utilisateurs aurait commencé à peupler la plateforme. C'est pour ça que c'était moins cher, j'aurais dû me douter. Oui, tu t'es fait comme ça, tu t'es fait avoir comme ça. Est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer dans votre vie? Ouais. Morgane? Oui. Ah oui, mais j'en avais fait une chronique d'ailleurs. Je me suis, j'ai fait banger. Non. Banger. Banger. Je me suis pas fait arnaquer. J'ai arrêté juste avant, mais tu sais le truc, l'arnaque à la carte bleue là, le lien de la sécurité sociale. Bien je suis allée loin. Ouais, non, j'allais loin du tout. Hein. Mais oui, moi aussi. Je suis allée loin, loin. T'es allée jusqu'où toi? Je suis allée jusqu'à. Les deux cons. Quand attendez, coup, je vous ai ah, pas. C'est les deux cons. Je vous ai ouais. pas raconté. Non. J'ai le gars au téléphone. Il est 22h. J'appelle ma banque me rappelle en me disant non, surtout pas, tu vois. Et là, le mec me rappelle, qui se faisait passer pour mon conseiller. Et là, je joue un peu avec lui. Je lui dis, bon, par contre, mec, je vais te dénoncer parce que c'est bon, maintenant j'ai capté et tout. Et il m'a dit quoi? Ouais, tu me dénonces pas, sinon je t'envoie une équipe chez où t'habites, parce que j'avais déjà donné mon adresse. Je t'envoie une équipe chez où t'habites. Et t'as dit, tu marques un point. Ouais. Et j'ai dit, je vais pas dénoncer, machin. Et après, il m'avait googlé. Il m'avait dit, t'en parles pas sur France Inter. Essaye pas de faire une prévention sur France Inter. Et après, il m'avait rappelé. Oh, wow. Il m'a demandé si je pouvais avoir un autographe de Norman. Si tu peux avoir un autographe de Norman, fais des vidéos. Oh là là, vous connaissiez pas cette histoire? Ah non, elle est incroyable. Ouais, non. Elle est incroyable. Moi, j'ai failli me refaire. À la fin, on s'aimait bien un peu, donc c'était marrant. Ah oui, ça finit bien. Oui, il y avait eu un petit au revoir de bon, je supprime. Je vais casser ma carte SIM, tu me retrouveras jamais. Je fais joyeux Noël. C'était en décembre, tu vois. Ah, incroyable. C'est un conte de Noël, donc c'est vrai. C'est un film français. C'est ce que je dis dans la chronique. Si j'étais Charlotte de Turckheim, on aurait fait le réveillon tous les deux. Et tu l'aurais entendu incroyable. Chanter, t'aurais fait, mais enfin, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ces arnaques, t'es une voix d'ange. Ouais, mais j'ai grandi dans la cité des démons, madame. C'est la honte, madame, de chanter. Mais eux, ils sont trop forts. Tu sais, c'est la honte, c'est de pas avoir j'ai fait cette blague il y a la deux semaine fois. Dernière. Ouais, ok, on est d'accord. On est d'accord, ouais. Je sors de maladie. J'ai refailli me faire arnaquer aussi, moi, récemment, mais par la même gars d'assurance de. Il s'est passé pour ma banque. C'est très très bien fait. Ouais. Et de, ouais, vous avez fait. T'es allé plus loin, toi, non? La première fois, je suis allé très loin. Toi, t'as dîné avec le gars et tout. Ouais. D'ailleurs, c'est qui la mère de vous ta fille? Vous avez un peu couché ensemble, ouais. Ouais, bah écoute, ça, c'est une histoire d'amour. Moi, c'est dans un bar à sodomie, donc toi. Ouais. La première fois, j'étais allé très loin. La deuxième, je l'ai senti un peu plus bien. Mais quand même, j'ai cru que c'était ma banque. J'ai vraiment, il me dit, ouais, c'est la banque, vous avez fait un machin en Suisse. Je dis, non, il y a quelqu'un vous a piraté. Je fais, ah merde. Mais j'y vais encore, pareil, quoi, ouais. J'y vais. Ah mince. Et il me dit le truc, il dit donc là ce que vous pouvez faire c'est il faut renvoyer votre carte bleue actuelle à cette adresse. Je fais ah oui non bah quoi. Avec les codes sur un post-it. Je fais n'importe quoi, vous êtes complètement quoi. Des fois t'as envie de dire utilisez l'IA parce que ça c'est nul. Même l'IA elle trouvera un truc mieux quoi. Mais tu sais que là moi je suis dans un. En ce moment je suis dans un litige avec booking.com. C'est pas vrai. Eh oui. Booking.ia. Et c'est vrai qu'un t'as, droit d'en, t'as le droit d'en parler publiquement. Bon, j'en sais rien, je sais pas. Bon, en vrai, il y a pas de. C'est avec un particulier. En fait, j'avais loué. Parce que Booking, maintenant, ils font un peu des Airbnb aussi. Mais moi, je savais pas, je pensais que c'était un hôtel. Oui, il faut cocher hôtel. C'est ça. C'est chiant, ça. Et donc, je prends un truc. Et en fait, je l'avais pris pour ma mère. Et ma mère m'appelle en arrivant devant. Donc, j'avais tout payé et tout. C'était non remboursable, enfin, non annulable, etc. Elle arrive, elle me dit, mais je comprends pas, il y a personne et tout. Donc, j'appelle le gars. Il dit, oui, il faut que vous laissiez une caution de 300 balles et je vous dis la marche à suivre pour récupérer les clés. Oula. Et je fais ça ressemble vraiment à une arnaque. Et là j'appelle ma mère, je fais attends mais c'est bizarre et tout. Et donc elle me dit ouais j'ai été voir les voisins, apparemment donc c'est une arnaque et la boîte aux lettres est défoncée. Donc elle dit je pense qu'il y a quelqu'un qui était un peu énervé qui a pété la boîte aux lettres. Mais ta mère hein. Il y a quelqu'un Flo. Ta mère l'a quelque chose bizarre mais il a cassé le truc avec la voiture. Et donc j'appelle le gars en disant bah non monsieur ça ressemble quand même beaucoup à une arnaque. C'est je dis me dites pas c'est quoi la marche à suivre déjà, c'est vous avez m'envoyé un code ou le truc là. Il fait non je peux rien vous dire tant que vous avez pas payé la caution. Et donc je vais quand même voir le truc, c'est évidemment juste un virement de thunes à un compte en banque. Donc clairement je me dis même si je gueule auprès de Booking ça ils me le rembourseront jamais, donc je veux pas donner la caution. Bref, je repaye un autre hôtel et en fait Booking ils aident pas du tout quoi, ils bloquent. Genre je leur ai dit mais là c'est une arnaque c'est sûr. Il fait oui mais vous avez pas donné la caution donc nous on peut rien faire. What? Et je dis oui mais la caution c'est une arnaque. Non mais une arnaque. Le logement existe vraiment. On sait même et pas en quoi. Gros il y a un avis sur Booking de 5 étoiles donc j'ai été un peu con hein, attention hein. Mais il y a un avis sur Booking. T'as voulu faire confiance. J'ai voulu faire confiance et en fait Booking veut pas m'embourser quoi. Donc je suis content d'avoir cette antenne si Booking m'entend. Et ils nous entendent. Ils nous entendent. T'as gueulé en commentaire. Non mais c'est un vrai truc, c'est plus pas pour Booking mais pour les gens qui réservent, faites gaffe parce qu'il n'y a pas que des hôtels. Mais il n'y a que toi qui te fais avoir avec un truc à un commentaire. Oui c'est peut-être ça la vraie question et tout. Toi Fanny tu t'es déjà fait arnaquer? Moi j'ai déjà eu un appel de PayPal en mode machin, il y a eu un truc bizarre donc est-ce que vous avez fait une transaction pour acheter des bitcoins, 400 balles de bitcoins? J'étais là bah non pas du tout. Et donc j'ai assez vite grillé le truc. Ok. Mais au début je marchais quand même dedans quoi. Ah non mais donc ça va, tu t'es jamais fait soutirer de l'argent? Non. Et toi Adrien? J'aime trop l'argent. Moi je me suis jamais fait arnaquer. En revanche je me souviens qu'une fois il y a ma banque qui m'a appelé, qui m'a dit oui, il y a. Enfin, il m'appelle et tout. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler et tout, on voudrait vérifier quelque chose. Donc, et c'est vraiment ma banque pour le coup. Donc, moi, je suis un peu en panique. Je les rappelle. Et ils me disent oui, on voudrait juste vérifier parce qu'il y a une activité étrange sur votre compte. Là, il y a pas mal d'argent qui ont été dépensé pour notamment acheter des jeux vidéo et tout. Et je dis oui, non, mais c'est moi. c'est moi. Tristoun. Voilà. Moi, un petit peu tristoun. Parce que ça dit que vous avez 42 ans. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Arrêtez okay. de poser des questions, peut-être. Non, je coche gros loser, je rajoute ça. Oui, bien comme sûr. Sensé, on vous embête. Voilà. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de vous branler. Une policière a été reconnue coupable et ne pourra plus exercer son métier pendant 3 ans. À votre avis, pour quelle raison? Pas tué quelqu'un déjà. Alors, elle n'a pas tué quelqu'un. Et elle n'a pas tué quelqu'un. Okay. Je vois ça. C'est un délit ou alors est-ce que c'est un truc du genre genre elle était stripteaseuse la nuit quoi. Non mais ça c'est ma série. Pourquoi t'en parles il y a eu ça je crois. Il y a eu un truc comme ça. Non c'est elle a fait quelque chose qu'elle n'est pas censée. Enfin qui est, oui non qui un est délit, illégal quoi. Un délit ouais, okay. ouais. Elle a mangé un donut ailleurs que dans la voiture. Mais attends wow. tu vis dans la trilogie dans Brooklyn de ouais. Non c'est pas du tout. C'est en France. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une autre personne? Pardon? C'est vis-à-vis d'une autre personne? C'est vis-à-vis d'une autre personne, exactement. Elle a échangé avec sa jumelle. Non. Oh. Elle a échangé avec sa ça maman. Comme elle a... ça a un rapport avec son arme de service. Hein. Ça n'a pas un rapport avec son arme de service. Est-ce qu'elle a fait quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre? Exactement, mais ce n'est pas de la violence physique. Est-ce que c'est un truc vraiment ridicule de gros bébé cadom? Genre, elle a fait une langue. Non. C'est quoi faire une langue? Ah, tirer la langue. Eh oui, tirer la langue. Ouais, comment vous dites pas ça? Nous, tirer la langue. La langue. Tirer la langue. On est différents. C'est notre langue hein, pour le coup, le français. Vous, c'est un dérivé. Elle s'est moquée de quelqu'un? Alors, elle s'est pas moquée. Elle a harcelé. Ah oui. Ah. Très bonne réponse. Alors, je vais. Elle a envoyé de la merde par courrier. Non, c'est ça, elle a harcelé un méchant. Pas forcément. Pas un méchant. Un gentil. Un méchant. Bah, quelqu'un qui a fait un crime et donc elle l'a harcelé, tu non, vois. Non. Ah. Mais elle a harcelé quelqu'un et c'est pas très bien de faire ça. La nouvelle meuf de son ex. Alors, tu es presque. C'est la pas la nouvelle meuf. L'ex de son mec. La maîtresse ouais, de son mec. Ouais, l'ex de sa meuf. En l'occurrence, mais c'est ça. Elle ah, les lesbiennes. Vous êtes très intense. Toute policière. Toute policière et intense. Ce qui est également la série de Flo. C'était le titre pour le coup, mais ok. Oui, elle a mis la misère à l'ex de sa meuf. Excès de vitesse imaginaire, stationnement fictif. Ah là. Et wow. oui, elle a utilisé. Sauf que pouvoir. La meuf avait pas de bagnole. Ça a été mauvais jugement. Jugée à Beauvais dans l'Oise, jeudi 13 mars 2025, une policière a été condamnée pour avoir dressé de faux procès-verbaux entre avril et septembre 2021. Dans son collimateur, l'ex-petite amie de sa compagne. Au total, la prévenue aurait dressé 6 faux PV lorsqu'elle était adjointe de sécurité à Beauvais. Craignant sans doute de se faire démasquer, elle avait usurpé l'identité d'une collègue pour au moins l'un d'entre eux. Et donc c'est pour ça qu'elle est reconnaissant une erreur de procédure. La policière jalouse a finalement été condamnée par 1 an de prison avec sursis. La policière jalouse. Ouais, là c'est le Parisien qui est parti, je sais pas. A finalement été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour usurpation d'identité et faux en écrit. En poste à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, au moment du procès, elle a désormais l'interdiction d'exercer son métier pendant 3 ans. C'est pas cher payé, je trouve. Hein. Ouais, 3 ans. Parce que c'est quand même de l'abus de... Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu ce que je qualifie? Vous êtes déjà harcelé, l'ex. Non, mais à un moment de vengeance. Est-ce qu'à un moment... Est-ce que déjà, la vengeance, c'est un truc que vous avez un peu en vous? Est-ce que vous pouvez avoir? Moi, je vais en avoir très envie, mais je vais pas aller au bout. Voilà, tu le ressens, mais tu veux pas y aller. J'ai envie. Je vais être en mode la seule solution, c'est que cette personne meure. Mais bon. Du coup, c'est pas mal que t'ailles pas au bout. Oui, bah non, c'est ça. Mais non. Sinon, y a pas de gens beaucoup à qui j'en veux vraiment, quoi. C'est ça. T'es pas drivé par un truc. Non, non jamais. Même professionnellement ou sur des trucs. Non. Toi, Morgane. Moi, je suis le comte de Monte Cristo. J'ai animé que par. Mais je me demandais ce qu'était cette moustache que tu avais soulevée tout à l'heure. Désormais, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis. Non. Comme Fanny, je crois que je vais en avoir envie et que je vais fomenter plein de petits trucs dans ma tête sous ma douche. Ouais. Et que, mais ça fait du bien, je trouve. Ça, c'est ouais. Mais il y a une histoire que j'avais racontée dans le Floodcast à Rennes avec Benjamin Tranier, donc vous réécouterez. Oui, c'est très long. Mais non, récemment, je me suis pas vengée. Non, je crois pas. Je me venge en m'améliorant. Oh. La vengeance par le glow-up, comme dans le destin de Lisa. Le destin de Lisa, c'est quoi? Le destin de Lisa, c'était la version c'est comme de Ugly Betty. C'est en fait, c'est toutes les rom-coms ou tous les teenage movies quoi. C'est des années 2000. C'est une. Ah, elle enlève ses lunettes et en fait elle est belle. Okay, exactement. Tu te dis, ah, t'as pas connu le destin de Lisa? Non, ça me dit rien. Putain, c'est pile le duvet, elle enlève ses lunettes, elle se détache les cheveux et c'est waouh. Et c'est une autre personne. Ouais. Comme moi, j'enlève les lunettes. Ouais. Toi, Adrien? Non, moi je suis pas revanchard et je suis pas trop souvent animé par une envie de vengeance. Mais je mais peux savourer. Mais t'es comme le Batman, donc t'es la justice. C'est vrai que je suis Batman, mais je peux savourer quand l'univers se charge de me venger. Petit retour de karma. Genre, je laisse, tu vois, quelqu'un qui m'a fait une crash, je te laisse à ta méchanceté, ta médiocrité et tout. Je vais essayer de pas m'embarrasser avec ça. En revanche, si l'univers il s'avère après qu'il lui arrive un truc, je suis genre. T'es bouddhiste? Pas mal. Je fais un peu ma sauce, tu vois. Moi, je pioche un peu pas à droite. Il pioche dans toutes les religions. C'est il fait, et la créateur qui la lance en septembre, là, la sienne. Une secte, une secte. Ah, c'est une secte, oui, d'accord. Okay. Il y aura du catch. Il y aura tout ce qu'il faut. Tout ce qui amène du monde. Des IA, un tout petit du peu. Du baby. Je fais ça, c'est pour le fun, mais voilà, dans le respect. Non, mais ouais. Après, quand une. Ouais, non, je peux pas le raconter. On coupe. Non, non, mais je peux vraiment pas le raconter. Ah, ok, d'accord. Tu nous raconteras après, hors antenne. Non, je veux bien frustrer les gens là. Ouais. Non, mais en plus, c'est pas. Non, bah, c'est pas vraiment une vengeance. Mais laisse tomber. Donc, je pourrais le raconter en revanche. Mais... Ah, bien sûr. À Abu Dhabi. Une clinique vient d'ouvrir. Bah alors pourquoi ça rigole? Je sais pas, Abu Dhabi ça peut toujours rire. Mais oui, genre j'ai plus de vêtements, c'est bon Morgane, c'est bon. Quoi? Je suis à Abu Dhabi. Waouh. C'était pas ça? Non. C'était quoi? Je sais pas, je pense c'était juste raciste. Rapide. That's my girl. En langue là, Abu Dhabi. Morgane la raciste, Morgane la raciste, la raciste. Plagiat de la dernière vidéo de Squeezie, ça. Ah bon? Tu l'as pas vu? Non. Bah, il chante Yvick le raciste. Bah, moi, bon, oui. Morgane la plagieuse. Voilà, en plus. Donc, oui, à Abu Dhabi, une clinique vient d'ouvrir. C'est la première clinique au monde qui traite un trouble bien précis. À votre avis, lequel? Ah, bah, si c'est à Abu Dhabi, c'est un truc de chirurgie esthétique? Pas du tout. Morgane, ils sont moches. Il sait, oh. C'est bien français. C'est pas une indigestion de couscous? Non, je sais pas. Non, c'est pas ça, Morgane. Est-ce qu'on peut annuler le fait qu'on nous associe souvent? On n'est pas si proches, en ouais, fait. Non, c'est une pote. Je viens de dire un truc qui était que j'ai pas pu justifier parce que vous êtes partis sur autre chose et les gens vont avoir entendu et j'ai passé pour une immonde sale. J'ai dit l'autisme, mais parce que non, oui, parfois t'as des. Non, mais comme ça pourrait être les cures homophobes, tu vois, oui, peut-être oui, qu'ils se mettent en tête bien. Et que c'est pas une vraie clinique. Alors non, c'est ah, pas ça. Ah, tu veux dire. Oui, d'accord, oui. Okay. Oui, ils non, sont mis en tête de soigner trucs. Un truc. Non, non, c'est un truc qui peut. C'est plus une clinique comme les RIAB, tu vois, les trucs d'addiction, les choses comme ça. Est-ce qu'un de nous pourrait y aller? Le téléphone. Un de nous pourrait y aller. Ah oui, les téléphones. Alors, c'est pas vraiment ça, mais on s'approche. La chiasse. Les... Je veux bien que tu me notes l'adresse. Les jeux vidéo. Pas les jeux vidéo. Ah, le c'est porno. Pas les écrans. Pas le porno. Hey. C'est l'addiction aux écrans dans leur globalité. Ah, ouais. Oui, bah alors vraiment, quand on dit les téléphones. Non, moi j'allais dire les IA. Donc. Ah ouais, je m'en méfie comme de la tête. Alors, c'est la première étape. Alors, je vous explique un peu comment moi, ça. Vas-y, c'est juste que j'ai jamais compris ce truc de dire addict aux écrans. Ouais. T'es pas addict aux écrans, t'es addict aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, mais aux écrans. Moi, quand je passe devant. Genre, oh putain, un écran. Ouais. Genre, y a un panneau publicitaire dans la rue. T'es pas addict aux écrans. Non, mais quoi. Je pense que c'est l'iPad, les plateformes, ça oui. englobe. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que maintenant, tous nos divertissements, ils s'avèrent que c'est via des écrans, mais on n'est pas habitué. Enfin, une clinique qui ne fait que les écrans. Ouais, c'est comme les restos à coquillettes. C'est un peu ça, exactement. Alors comment ça fonctionne la clinique d'addiction aux écrans? Alors c'est déjà c'est pour les enfants. Hein. Faut savoir que c'est surtout pour les enfants. Donc ça, c'est une réa pour enfants, t'as. C'est, ouais, c'est ça. Mais je comprends un peu plus, tu vois. C'est peut-être eux peuvent avoir un truc un peu de pas se contrôler et d'avoir un truc un peu comme ça. Bon, après ça peut être le job des parents aussi. Éventuellement. Mais, voilà, pourquoi j'allais pas. J'allais vous proposer. Alors là, ça marche en 5 étapes. La première alors, étape. Adrien, les parents, c'est. Alors, je l'ai vu dans le fond de son œil. J'ai envie d'y aller parce que la blague est bonne, mais j'ai vu le pas sûr. T'étais si fébrile. Vraiment, un saut dans le vide. Un Shetland qui a un obstacle plus grand que lui. Non, pas de problème. Alors, la première étape. Au contraire, je suis content parce qu'il n'y a que moi qui fais des blagues là-dessus. Et du coup, c'est lourd. Donc, n'hésitez pas, les auditeurs, à envoyer des DM non, à des blagues sur le sujet. Justement. Il en serait ravi, vous l'entendez. Mais non, mais justement, les gens que je connais. La première étape comprend une consultation et une évaluation afin de comprendre l'impact du problème sur la capacité d'attention, la mémoire et les fonctions cognitives. Ils n'arrivent jamais au bout du test. Mais ouais, c'est ça. Et les fonctions cognitives de l'enfant. La deuxième étape consiste à un examen physique pour identifier les tensions musculaires causées par l'utilisation d'écran. Tu vois, ça peut arriver, tu plisses les yeux. La troisième étape comprend de la physiothérapie pour corriger les problèmes de posture, tandis que la quatrième étape comprend une thérapie psychométrique pour fixer des limites numériques et remplacer les activités numériques par de meilleures alternatives. Ça, je comprends pas trop. Un bon bouquin. Non, mais en vrai, les trucs genre Duolingo, à la place, tu prends un livre. Moi, j'essaie de faire ça en ce moment. Oh. Ce qui favorise les 2h30 d'écran. Et en vrai, non, c'est méga bien. Tu peux nous le dire en espagnol, du coup ? Hola. Oh, je suis bluffé. C'est-à-dire, t'as acheté un bouquin pour apprendre une langue, c'est ça ? Et ouais, le assimile, comme ça. Et okay. Tous les jours, je fais deux leçons. Et puis pas voilà. Mal. Non, de mais... quelle langue ? Anglais. Et Duolingo, j'ai quand même gardé pour l'espagnol. Ah, donc d'où tu veux mon même... bilinguisme, ouais, finalement. Bilinguisme. Ah, tu veux parler espagnol. Là, ça se dit, oui, non, t'as raison. Ouais. Tu veux parler espagnol. J'aime bien. En fait, j'ai fini Duolingo anglais. Attends, t'as fait ça le niveau a bien 2. Marché du coup, vu que t'as racheté un bouquin après. Oui, mais il est plus dur. Ah, ok. Duolingo anglais est très très facile en fait. Oui, oui, oui, c'est vrai. Donc, moi, je trouve voilà. que Duolingo c'est de la merde. Aïe. Non, mais je trouve que ça va moins pour le flotter. Une appli qui fait que les langues. Mais non, mais. Non, mais moi je l'avais fait en espagnol et en fait ça t'apprend pas du tout à parler quoi. Non. Ça t'apprend du vocabulaire et tout, mais je trouve qu'au final. Ouais, c'est utile quand il même. Il te manque les trucs de base, oui, mais de conjugaison. Si tu pars en voyage, tu peux commander, tu vois, demander ton chemin et tout, c'est cool quoi. Tu bah, peux pas avoir une pas, conversation. Mais... Bah, ou, enfin, tu peux. Ouais. Je trouve pas que... moi Ou, non, mais je trouve pas, justement, je trouve que ça te donne juste du vocabulaire, mais tu sais pas faire des conjugaisons, tu sais pas faire des trucs. Oui, ça c'est vrai qu'il y a pas de conjugaison. Moi j'ai tout oublié de l'espagnol que j'ai fait. Quand tu m'as oublié. Quand tu m'as oublié déjà. Le usted, je me souviens juste de ça, et qu'il fallait dire la rota et la feta. C'était sur la prononciation. Et la j'ai fecha del dia. Et la feta, et l'ana del rey. Mais sinon j'ai tout oublié. Quoi ? C'est non, l'ana del rey, c'est espagnol. Non, sinon j'ai tout oublié de comment on parle espagnol. Vous vous souvenez des trucs que vous avez appris à l'école de langue ? L'espagnol, toi, tu t'en souviens ? Un peu. Oui, mais toi, t'es à tête du son espagnol. Mais disons que quand tu reviens, ça revient assez vite. Ah ouais, tu crois ? Moi, j'ai fait allemand, je n'ai plus une goutte, quoi. Ah, donc c'est ça. J'ai plus ça, rien. C'est un classique, j'ai l'impression, quand même. L'allemand, après, je pars peu en vacances où ça parle allemand. Ouais, c'est ça. Je dois avouer. Peu de séries en allemand. Moi, j'essaie avec le flamand, films, ça revient très très vite, j'ai l'impression. Il y a vraiment des brefs de réflexes. Ah oui ? Ouais. Et mais parce que tu l'as appris jeune, oui, tu as appris à l'école le flamand. J'ai appris à l'école et surtout, j'ai fait 3 mois dans une école flamande. D'accord, ok. Et ouais, ça revient méga vite, je trouve. D'accord. Ah ouais, mais tu vois, moi, l'espagnol, je l'ai complètement oublié. En tout cas, le truc pour les écrans, si les enfants peuvent également être orientés vers un psychologue pour une thérapie cognitivo-comportementale. Eh oui, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, bah. C'est classique, quoi. Ah ouais. T'as fait des trucs comme ça, toi? Non, mais non, ouais, mais j'ai y en fait, a. Ouais. T'as dit quoi, Tach? Ouais, j'ai fait, ouais. Moi, ouais, j'ai fait un peu tout ce qui est. Pas mal bourlingué. Bourlingué sur Doctolib. Non, j'ai pas fait, mais je connais plein de gens qui ont fait. J'ai pas l'impression que c'est hyper rare. Non, mais moi, je connaissais même pas le terme. Ça se démocratise, hein. Oui, de plus en plus. Peut-être dans nos cercles aussi, hein. Oui, attention, bien hein. sûr. De zinzinos. Vous avez eu votre premier téléphone à quel âge autour de la table? Fanny, est-ce que tu t'en souviens? Moi, c'était juste avant le collège, donc j'avais 12, je crois. T'allais dire juste avant le Covid, j'ai dit waouh. Elle a bien tenu ta mère. Juste avant le collège. Et donc, c'est en quelle année, si c'est pas indiscret? Waouh. Ouais. 12, 2006. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc ça va en fait. Ouais, d'accord. Ouais, très bien. C'était un petit Sony Ericsson qui s'ouvrait sur le côté. C'était oui. trop stylé en on fait. On adore. C'était une Totally Spies? Non. Ah. J'ai été recalée. Wow, une amitié qui s'étiole devant nous. Toi, Morgane, premier téléphone? C'était mon cadeau de première communion, donc je devais avoir 13 ans. La foi. Surtout, beaucoup envie de faire du catch. Et c'était un Motorola à clapet. Oh là là. J'étais ravie, je commandais mes petites sonneries polyphoniques et tout. Tu les payais sur le. Bien sûr. Au dos des journaux. Et là. Aussi, j'achetais des gifles et diablotins là. Oh! Mm. À l'époque, c'était Michael Youn qui faisait la pub. Mais oui, je m'en souviens. Bien sûr, bien sûr. Toi, Adrien. Il donne tout. Premier téléphone. Aucune idée de l'année, j'en sais rien. Non, non, mais à peu près quand dans ta vie? T'avais quoi, 32? Honnêtement, je sais pas. Ah ouais? Mais t'étais déjà adulte? Je sais pas. Ah ouais? Ah oui, il y a très peu d'infos là. Ouais, j'ai rien. Ouais. Je pense que c'était un Motorola aussi. Ouais. Mais vraiment, je sais plus quoi. Ok. Mais c'était. Ouais, en fait, je me. Putain. Ouais, non, si, ouais, je sais plus, franchement, je sais plus du tout. Parce que vous, quand vous étiez du coup encore enfant, vos parents, ils luttaient contre, ou est-ce qu'au contraire, c'était un truc de là, c'est le moment, etc. Non, moi, bah, déjà, quand t'es au collège, c'est quand même mieux. Ouais. Mais moi, je l'ai pas eu au collège, hein. Moi, je l'ai eu tard. Mais moi, j'étais dans un bled paumé, donc si je ratais le bus, bah, je restais là. Donc, j'avais pas trop le choix. Et puis, en vrai, il y a un truc où à un moment, les parents, ils se disent, bah oui, tout le monde en a un, et il va se sentir un peu nulos s'il en a pas. Ouais. Est-ce que tu préfères que ton enfant se fasse bully, ouais, ou qu'il ait un Motorola? Bah, mm-hmm, t'as mis des mots sur tout mon enfant. Moi, je l'ai eu au lycée. Pas de Motorola, ouais. Moi, je l'ai eu et je me souviens avoir attendu mes parents devant, parce que j'avais oublié mes clés, et d'heures à attendre devant chez moi que mes parents rentrent parce que j'avais pas de portable, moi. Ah ouais. Mais sans vouloir, ouais, faire Cosette, ouais, après. Je me suis... Ça fait des beaux films après. Ça fait. Non, mais ouais, moi, j'ai le téléphone, j'ai eu tard. Et alors, est-ce que vous avez eu la télé dans la chambre ou pas, vous? Ouais. Waouh, quel âge? Ouais, moi j'ai... Mais moi j'ai... Toi t'as eu tout. Moi toi. Mes parents ils ont divorcé, j'étais pas née donc j'ai tout eu. Quoi. J'ai ouais, eu le... j'ai mon ordi dans ma chambre, la tour, wow, l'unité centrale, les lampes fusées de chaque clac de chaque de chaque côté, la téloge que un je regardais frigo... à 3 cm. Un mini frigo avec de la Red Bull. Ouais, ouais. À partir de chaise de gamer en Transformer qui devenait une Twingo, enfin. Non, j'ai tout fait, j'ai tout eu, j'ai été très gâtée par ma mère. Wow. J'ai même fumé des clopes en chambre. Mais non, en chambre, à ma fenêtre. On dirait que tu parles d'hôpital. À partir de 14. Enfin ouais, vraiment c'était la... Ah, j'étais Hugh Hefner, quoi. Mais ouais, c'est ça. Je vois quelqu'un de libre, je vois, ouais, la liberté. Ouais, ouais. Toi Fanny, t'as eu la télé dans ta chambre ou non, quoi? Non, mais moi j'ai jamais trop aimé la télé. Ah ok. Donc non, ça m'intéressait pas du tout. Mais ah, par contre j'avais mon téléphone et j'avais mon ordi et je regardais pas de série, mais j'étais sur MSN jusqu'à 2h du matin. T'étais une quoi. Totally, ouais, Spies. J'étais le couteau, la plaie. Ah, mais tu passais des heures sur MSN? Ouais, ça c'était ma vie quand même. Ah ouais, ah, ouais, Skyblog, j'avais 17 Skyblog différents, quoi. Là. Oh, c'est quoi le titre de tes Skyblog? Fourth Avenue. Oh, j'adore. Ouais. Oui, je sais, j'adorais New York. T'as écouté Blink 182, non? Bien sûr. Bien sûr. Et... En vain, mon pays. Et est-ce que tu choisissais bien tes chansons dans ta signature MSN? Ça, c'était le truc un peu stylé. Non, oui, bien sûr. Ouais. Mais je trouve que notre vie manque de statut parti manger. On met un peu sur WhatsApp. Sur ah oui, toi, t'as ça, non? T'as j'ai, pas ça non, j'ai dû mettre en réunion. Toi, t'es en train de louper un Thalys. Ouais. Non, hein, mais il y a des gens qui mettent des statuts un peu en bio Instagram, les ringards. Oui. Genre, ouais, ma mère qui a fait un statut. Les ringards, maman. Est-ce qu'on peut parler de la bio Instagram de sa mère? Ah ouais, qui ma mère a un Insta il y a ça pas longtemps. Ça me donne envie de me... Enfin, c'est tellement triste. Non. Non, mais attends, c'est vraiment triste. C'est quoi et un jour, j'ai commencé à marcher plus doucement. Et j'ai dit à Fanny, j'ai peur qu'elle devienne influenceuse vieillesse. On dirait vraiment qu'il faut changer l'eau des fleurs. Mon avis. Et ceci dit, moi, mon Skyblock s'appelait Caddy Destroy, donc je vais pas juger. Je vais pas juger celle qui m'a mis au monde. Caddy Destroy. T'as même pas fait Caddy Destroy, quoi. Non, Caddy Destroy. Ouais, non, même pas. Caddy tiré du bas. Mais alors attends, underscore destroy. Ouais, je te demande pourquoi. Pour, alors tu destroyais des trucs ou juste t'étais quelqu'un de destroy? Elle fumait à 14 ans, rappelle-toi. Hein. Et elle a défoncé la gueule de la meuf qui lui a volé son vélo. Ouais, donc, exactement. Qui a vandalisé mon garage. Oui, voilà. Non, je suis fait. Ça, c'est une métaphore. Non, on a défoncé sa gueule pour moi sous mes yeux. Parce que. Oui. Parce que j'étais. Merde, j'ai raté ma blague. La dame sur Netflix qui vend de la drogue là. L'espagnol. La série avec Sofia Vergara. On l'a pas, tu vois bien qu'on l'a pas. On l'aura plus tard. Envoyez des DM à Adrien si vous retrouvez le nom de la série. Attends, c'était quoi la question? La question c'était pourquoi Caddy Destroy? Parce que je me croyais un peu Destroy, j'écoutais bah, ouais, dur. Moi j'étais. T'avais plus des mitaines? De quoi? T'avais des mitaines? Non, j'avais des. Non, j'étais très. Plutôt cake, j'avais plutôt des requintaines au-dessus du Sergio Tech. Ok. Sergio Tech. J'écoutais Cynic énormément. Oh. Wow. Formidable. Ouais. Les Ulysses 9-1. Mais tu vois, Cynic, je pensais pas que le pseudo serait Caddy Destroy du coup. Ouais, moi, je voyais bien un truc un peu. Je voyais plus en rouge et noir, quoi. Oui, voilà. Rouge et noir. Ah, moi aussi j'avais ça, mais parce que j'aimais Superbus. Ouais. Ah, ouais, moi aussi. C'est pas la même enfance. Mais c'est marrant, vous auriez pas été potes en fait au collège? Si? Je sais pas. Mais il y a plein de trucs où, sur papier, on devrait pas être potes. Hein. Ah ouais, ouais? Genre quoi? Ah bon? je vous jure devant Dieu que je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Bah, il y a ça, pardon. Non, t'inquiète. Il y a une banderole derrière, faut pas gaffe, c'est une thérapie de groupe. À part nos goûts en matière de. Ça, crush. Ça non, en matière de mec. Ah ouais? Il y en a un seul. Après, t'es lesbienne. Ah oui, ça, oui, oui, ça joue. Ça joue. Sans aucun doute. Non, tous les gens. En matière de gars. Je crush la dégoûte physiquement. Mais me ah ouais dégoûte. Viscéralement, vraiment, je les trouve sales. Ah ouais? Et elle, tous les mecs que je trouve beaux, elle les trouve communs et nuls. Ah, donc c'est pas le même défaut que vous trouvez, d'accord. Moi, ils ont pas d'intérêt et elles, ils ont pas d'hygiène. Il y en a bah, un seul. Cady Destroy en même temps. Hein, non, donc... on en a un seul sur lequel on se rejoint. Et d'accord. qui est déjà passé dans ce podcast. Oui, oh, donc on va dire non, après non, essayez. Envoyez-nous en DM qui oui. vous pensez que c'est. C'est un garçon. Ouais. C'est un garçon. Adrien, t'avais la télé dans ta chambre? Ouais. Oh, ah, oui, ok, libertad. Bonne télé. Il y avait une question à la base. Ouais, non, mais attends, j'adore. Moi, bonne télé cathodique. Oh, avec un peu de. Une petite console. Cathodique. Une petite console. J'ai dû avoir la Dreamcast un moment. Ouais. Ah, oui. Et en fait, j'avais vraiment mon ordi, mon bureau avec l'ordi. Et à ma droite, il y avait un bureau sur lequel il y avait la télé, donc vraiment à 30 cm de moi. Putain, je vois un bureau de hacker dans les films américains un petit peu. Ouais, ouais c'est ça. Alors, tu vois. Si j'arrive à retrouver la photo, vous verrez que c'est. Comment ? T'avais des lampes fusées ? Mais tu parles des lampes à lave là. Ouais. Ah ouais, non, non, non. Non, mais j'essaie de vous retrouver une photo. Tu m'as fait une fine gueule. Quoi ? Attends. Qu'est-ce que j'ai ? Comment ? Tu voulais une fusée ? Non, j'ai pas. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, j'ai plus fait une Pascal Pro. Pascal Pro désorienté. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? On est à l'antenne là ? Non, voilà, ouais, la télé. Et est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez. Un peu une addiction. Ah, t'es de psy ou quoi ? Ben ouais, mais ça m'intéresse. C'est un truc de tu genre. Tu nous emmerdes où... en fait avec tes questions. Ouais, je sens, mais. Je rigole. Non, mais genre les jeux vidéo, le ouais, téléphone, MSN, internet. C'est quand on était petit ? Bah oui, oui, ado. Oui, ah bah oui. L'ordi, moi, MSN. Ouais, ouais MSN. Ouais, il se branlait au téléphone avec des potes. Ah, j'avais pas ça. Non, MSN et Skyblog, ouais. MSN et Skyblog. Ouais. T'as comment on peut être addict ? Parce qu'en plus, MSN, tu parles plutôt aux gens de ton collège, non ? Non, ouais. Tu parlais à d'autres gens. Ouais, ouais. Des fois, ouais, ça allait ouais. plus loin. Enfin, les potes de potes, quoi. Oui, ah oui, d'accord. Ah non, moi j'avais pas. Bon, après, j'avais ah, ouais. pas de oui, bah non. Ok, non, mais je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas de mon côté. Le 0 plus 0. Ça reste 0. La tête hein. à flou-flou. Nul à chier. Allez, next. Non, non, non. Oh, que non, c'est peut-être le titre. Du Nectar. Une célèbre chanson des années 2000 va peut-être avoir droit à une suite. Tu vous verras. Crazy Frog, Axel F. Non. Qui devient Axel G. Non. Sophie Alix Baxter. Pas Sophie Alix Baxter. C'est en français. Attends, ou en suite anglais déjà, c'est une en suite français. D'une chanson déjà, ah, c'est fou Sobri déjà. 3. Quoi ? Sobri 3. C'est quoi Sobri 3 ? C'est vrai qu'il y a eu 2. Il y a eu Sobri 2. Mais c'était quoi Sobri 2 ? Amine et Leslie. Ah oui, avec Leslie. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a attends, deux. Une suite plus de chansons que je n'avais envisagé. Oui, Femme Like You. Pas Femme Like You. Est-ce que vous savez que Camaro a écrit la chanson Génération Texto ? Bah, c'est je quoi, connais pas c'est XTO Génération Texto. Ah oui, je me souviens de ça. Oui. C'est lui qui l'a écrite. Voilà, ah ouais. Je c'est vous fou, le donne. On croit comme connaître ça. Les gens. Et voilà. C'est Patchy de la Starac qui a écrit Jour 1 de Louane. Exactement. J'étais sur le forum fan de Patchy. Wow. Et le chant. Pardon ? Oui. Patchy Gara Forum. Tu nous avais dit ? Ah oui. Ouais, je l'adorais. Incroyable. Ouais, ouais, banger. Mais Jour 1, quand même, classico. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, je pense qu'il s'aimait bien jusqu'à la fin de l'année dernière. C'est vrai ? Ouais, je l'adore. T'as vu qui ? Patchy. Allez. On peut savoir comment. C'est une soirée. Vous vous rejoignez sur Patchy ou non ? Parce qu'il y a la place. Non, non. Et vous savez qui a écrit ? Je sens que Fanny elle est forte à jouer. Marc Lévy. Non, tu parlais de quoi ? Il a des chansons pour Grégory Le Marchal. Ah non, je sais pas. Énormément d'infos sur des ghostwriters. Ah mais c'est ça. Non mais moi j'avais le qui a écrit Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Genre la chanson. Le 14 ? Non. La chanson. Louis Garrel. Quelle culture. non, la chanson. Mon attendez. Essentiel. Mon essentiel. Mon essentiel. Ah, je suis. Attends. Ah, je fais le toi, mon alors, essentiel. Est-ce que c'est quelqu'un dont c'est le métier à la base Bah, il écrivait des chansons, ouais. Oui. Mais ici, c'est aussi un chanteur connu. Est-ce qu'il a fait des comédies musicales ? Il a chanté dans des comédies musicales ? Eh ben non, pas trop. Attends. Ah, je l'ai su. Johnny. Est-ce qu'il est vieux ? Non, pas Johnny. Il est pas vieux. Il est vivant, non ? Oui. Il est ouais. vivant, bien sûr. Et on parle un peu de nos époques là, nos générations, tout ça. Calogero. Blink 182. Pas Blink 182, mais c'est. Ouais, là, ça va m'énerver. Calo, Passy. Tous ceux qui sont trop jeunes pour mourir. Stomy Bugsy. 001, Action. C'est Lafouine. Non. Oh, Lafouine nous a régalé là. Vous avez vu ou pas ? Ouais. Non. Sur Bercy, il a repris du ferme. Ouais. Mais il a fait Marine a pris 5 piges. Ah putain, j'ai vu passer Marine a pris du ferme. Les gens étaient comme des. Comme des dingues. Ah non, ouais, bien sûr. Et il nous a régalé. Qu'est-ce qu'il est musclé, Lafouine ? Ah, il est très musclé, Lafouine, maintenant. Ah ouais ? Ah, c'est fou quand t'as choisi le pseudo Lafouine et que ça reste 20 ans, quoi. Mais ouais, ouais. Mais en même temps, c'est le. Moi, je joue une fouine, je pense tout de suite à Lafouine. Oui, c'est vrai. non, mais. Bah oui. Alors, il a écrit pour d'autres comédies musicales, mais alors là, c'est moins. Attention. C'est pas parce il a Fiori. Participé à Cléopâtre, oui, la dernière reine d'Égypte. Dracula, l'amour plus fort que la mort. Ah, je sais. Et aussi 1789, pour le coup, Les Amants de la Bastille, qui là avait un peu cartonné. Il a aussi écrit la chanson Je reste pour Amel Bent. Pas Obispo. Ouais. C'est le même genre ? Non, c'est plus rock. Mieux sec ? Pas mieux sec. Steve Estatoff. Non, mais aussi rock. Ah, Sinclair. Non, mais il fait partie d'un groupe. Ah, Jean-Louis Aubert. Non, plus jeune. Attends, Adrien Gallo ? C'est... Non, oh, je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est Adrien Gallo. Le bébé brune. Ah oui, le bébé brune. Non, on l'a dit en lui. Même temps que bébé brune. Ah, mais je... ça m'énerve. Groupe rock français, peut-être un des plus connus de. Un de Chine. Chacapon, non, mais des. Mano ? Non. Mais. Groupe de rock, Mano ? Voilà. Les fameux types de rock, Mano, hein. Mon essentiel. Attends, oui, on va tout de suite pas. Je le dis pas. En fait, ils ont presque fait un comeback récent. Kyo ? Kyo ! Ouais. Oh mais... quoi, Benoît Power. Power. Power. Comme Austin. Austin Power. Oh, c'est son frère. Non, c'est oh non. Comme P O P O H E R. Power. Power. Putain, mais le mec. Il a écrit mon essentiel de Le Roi Soleil. Ah ouais. Eh ouais. Et ben, ça mais le Roi Soleil. Belle plume, ouais. Ça a dû mettre du beurre dans les épinards, ça. T'as dit quoi? Nous les Le Roi Soleil. Oh. Ça reste la promo de mon film, donc c'est ok. Pas de problème pour moi. Alors on cherchait toujours, par contre, cette chanson. Attends. Cette chanson, je vais vous donner. Attends, j'ai plus la question. Parce que Guy Carlier a écrit, mais je pense que vous connaissez pas la chanson, donc c'est moins intéressant. Vous connaissez la chanson Il y a pas que les grands qui rêvent ou pas du bien tout? Bien sûr. Il y a pas que les grands qui rêvent. Les grands. Il y a pas que les grands qui rêvent. Il y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. What the fuck. Ça, c'est alors c'était une enfant qui chantait. Personne n'attendait, mais que tout le monde veut maintenant. C'était une enfant qui chantait. Demain sur Spotify, la team streamée. Et c'est Guy Carlier qui a écrit cette chanson. Et Juliette Armanet a fait une très belle reprise dans les playlists d'été de 10 heures. Mais tiens. Et la chanson Pour le plaisir. Évidemment, ça on sait. D'Herbert Léonard. Julien Lepers. Julien Lepers. Julien Lepers. Wow. Écrit par Julien, Julien Lepers. Voilà. Oui. Herbert Léonard qui nous a quittés il y a quelques jours. RIP, le man. Ouais. Je vous invite à. Et si vous réécoutez pour le plaisir, non, il fait oui. Pour le plaisir. Du coup, une chanson qui aura un 2. Oui. Est-ce que donc rock? Alors attends, c'était ça ma question. T'as dit que c'était une suite. Est-ce que c'est un 2? C'est un 2, ouais. Ok. Non, oui, c'est pas comme un 3, t'as raison. Non, c'est pas un 3 ou un 4. Une chanson sortie est-ce en 2002. C'est genre une réponse. C'est français? C'est pas une réponse. Non, c'est non. Le même chanteur qui chante. C'est la même chanteuse, voilà. C'est français. C'est français. Amel c'est la Rousseau. C'est pas la Rousseau. Evangélie. C'est pas Amel Bent, c'est pas Evangélie. Oh, Evangélie. Si on trouve la chanteuse, ça va être. C'est français, t'as dit? C'est français. Comment ça? C'est une dame ou des dames? C'est une dame et un monsieur. Mais c'est la oh, pas de Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Non. Sous le vent. Dommage. Ah, dommage. Non, non, Garou, sous le vent, non, pas Céline, elle est. Sous le vent 2. Encore sous le vent. En Bretagne. Mais, mais donc un pull. Sous le vent en Angleterre. C'est un duo iconique des années 2000. Ah, un peu R&B. C'est un Axel Bauer et Zazie. Pas Axel Bauer et Zazie. À ma place, chef d'œuvre. Attends, est-ce qu'ils ont fait genre. Que veux-tu un duo, une chanson, un duo et puis c'était terminé ou alors ils ont fait genre un album en duo? Non, ils ont fait qu'une chanson. Ils sont tout le temps ensemble? Attends, tu dis ils ont fait qu'une chanson. Oui. Ils ont fait qu'une chanson. Ensemble, ouais. C'est un chanteur et une chanteuse très connus solo chacun. Ah non, ils sont et ils ont fait un feat qui a cartonné. Est-ce que Jean-Jacques. Non, Jean-Jacques Goldman, il sort plus rien. Ce n'est plus Jean-Jacques Goldman. T'as dit années 2000, c'est les trucs sur lesquels en on danse. 2002. Pas. Ouais, ça peut. Ouais, c'est dur de danser dessus, mais okay. Ça a été un tube. C'est triste? Un peu? C'est un peu triste. Oui, non, un peu. 2002. Ah, est-ce que le monsieur, c'est un rappeur? Oh non, attends. Ce monsieur n'est pas un rappeur. C'est pas Renaud Axelrad. Oh c'est Renaud Axelrad. Alors, c'est annoncé par Axel Red. Ouais. Renaud n'a pas trop dit oui encore. T'es pas au courant. T'es pas, ouais, voilà. Ah, tu danses pas sur Manhattan Kaboul, toi? Tu smurfs pas? Petit pétoricain. Moi, je la mets en x2 sur YouTube et. Intégré quasi en New York. Oui, c'est Axel Red qui a annoncé dans un entretien à un magazine qu'elle avait écrit la suite de ce titre pour son prochain album. Oui, ça veut rien dire. Bah oui, la question que tout le monde se pose, est-ce que Renaud l'accompagnera à nouveau? Et elle a dit oui. C'est quoi c'est... Dans ma tête il y est. Hein? Ah oui, d'accord. Donc oui. Il y en est acté. C'est pas ah oui, acté, oui, d'accord. Mais c'est une histoire que j'avais besoin de raconter moi. Ça, tu vois, ça, je trouve ça. Il est dedans, mais je ne vais pas forcément la chanter avec lui. Donc est-ce qu'il est dead dans la chanson? Je sais pas. Mais voilà. Elle a là, fait c'est un... Oh, là, y a un justement. Truc bizarre. Ouais, non, mais... non, mais. Moi, je connais des gens qui s'en méfient beaucoup. Ouais. Laissez Renaud tranquille. Oui, bah oui. Laissez-le maintenant. Bah ouais. Mais là, c'est horrible de faire ça, pardon. Mais attends, n'en sais rien. Ça, n'en sais rien. Mais non, mais. Écris pas une chanson en te disant je vais faire un duo avec Renaud quoi. Non mais vraiment c'est le enfin faut le laisser là maintenant. Après c'est Valentin Vincent qui va l'imiter. Bon ça va. C'est ça. Attends que c'est pas de l'IA. Moi je m'en méfie mais comme de la. Ah ouais méfie-toi ça. Une étude est sortie. Alors d'abord j'ai une question. Tous les jours en fait. Tous les jours. J'ai une question. Votre si vous deviez choisir allez trois chansons cultes duo. Début 2000. Oh, parce début que je sais qu'ici il y a deux Queen qui écoutent beaucoup ce genre de son. Putain, attends. Cul. Pas de duo, juste. Ce que vous voulez. J'ouvre. Français. Moi, voilà. Qui... Moi, t'as bien vu qu'avec les dates, je suis nul. Non, mais peu importe. Trois chansons que vous aimez et qui sont un peu dans ces générations-là. Blue de Blue Cantrell et Shemple. Oh, j'adore. Breeze, pardon, de Blue Cantrell et Shemple. Avec l'accident de voiture. Ouais. C'est une des rares chansons où il y a un accident de voiture. Yeah, boom. Stan aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Stan. Stan, ouais. T'es en train de faire les meilleures chansons qu'un accident de voiture. Et une chanson de. Il y a un clip de. Hélas, R. Kelly. Ouais. Aussi, oui, il a un accident de voiture. Ah oui, mais pas dans la chanson. Ah, pardon. Ah, c'est dans la chanson. Dans la chanson. Ouais. Pardon. La Brave et Stan, effectivement, il y a deux accidents de voiture. Oui, c'est vrai. Ok, autant pour moi, autant pour moi. Et Crazy Frog aussi, mais c'est dramatique. Ils en c'est une moto. C'est pas un accident, mais il évite l'accident en klaxonnant parce qu'il fait brème brème. C'est plus de la prévention. Heureusement. C'est plus de la prévention d'accident. Non, en plus, pardon, brem brem c'est accélérateur, brem, c'est brem. Ding ding oui, plutôt. Oui, les... oui, oui. Je, pardon. Donc vous pouvez effacer vos DM. Là, c'était en train d'envoyer un peu en masse. Non, une chanson. Mais du... Breeze, je suis d'accord. Sean Paul, ouais, Sean Paul, moi je trouvais que c'était une chanson à hit quand même. Prend pas une ride, hein. Il y avait eu Get Busy, Breathe, ouais. le Baby Boy. Température. Température, évidemment. Ouais. D'ailleurs, est-ce Temperature. Est-ce que vous avez entendu ce truc Sean Paul qui a dit. Sean Paul, d'ailleurs. Voilà, bah, ça parle de ça justement. Que en gros, il a dit. On lui a dit pourquoi vous dites Sean Paul. Ouais. Et il a dit non, non, je dis pas Sean Paul. Je dis. Je suis fan de. Je veux peut-être dire une connerie. De Croquet, je crois. Exactement. Et je dis Chandler Paul parce que c'est genre. C'est le nom d'un. Joueur, c'est ouais, ça. C'est le nom d'un croqueteur. Joueur. Mais c'est le gars qui a un nom très proche de lui, quoi. Ouais. J'ai envie de dire n'importe quoi. Après, qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu Ouais, mais. Non, mais. Oui, mais genre, comme par hasard, le mec a un nom qui est vraiment quasiment un homonyme de lui. Moi, j'y crois pas du tout, quoi. C'est trop bizarre qu'il ait dit ça. Et en même temps, c'est trop bizarre qu'il mente sur ça. Oui, mais tout est bizarre dans cette histoire. C'est un truc que je peux pas débunker. Il a aucune raison de mentir, mais en même temps, c'est ça clair. Sonne. C'est n'importe quoi, quoi. Non, alors en fait, depuis tout ce temps, depuis 20 ans, j'avais rien dit, mais je suis fan de Croquet. Et en plus, qui dit genre. Et moi, je voulais pas dire Florent Bernard, puis au début, je voulais dire Florent Père. Depuis genre, t'es chanteur, tu fais Michel Platini. Alors maintenant, je vais chanter. Bah non, n'importe quoi, putain. Oh là là, bah tu m'as gâché Sean Paul, je le déteste à présent. Non, mais non, du parce coup, que. Je vais changer de chanson culte. Mais non, mais c'est dans une zone où je peux pas dire que c'est faux, mais je n'arrive pas à croire que c'est là, vrai. Je trouve Waka Waka gros banger. Ah oui. Ouais. C'est énorme. Vrai. Énorme. Et. Ouais. Et même après. Et si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Après, en français, moi j'aime bien Match Nul, qui c'est était la BO de Taxi. Oh. 2, je crois. Et c'est Je veux vivre le grand amour. C'est 13h30. Wow. Hein. Oui, non, mais je vois, mais voilà. C'était pas la plus connue. Non, c'était ouais, pas ouais, la plus connue. Ouais, ouais, non, mais c'est pointu. C'est t'avais l'album. Ouais, ouais. Peter ou quoi là Kayla, quand une fille est love, tout ça. Ouais, bien un, sûr. Je suis un peu pointu. Non, mais dans moi, les c'est que dans là, les, tu me un plais. Un peu pointu dans les femmes qui se plaignent. Tu me plais, mais t'exagères. Jamais j'aurais cru que t'étais comme ça. Voilà, bah ça pour moi, c'était le hit de ce Taxi. C'est jamais j'aurais ou j'aurais jamais. Moi, je dis j'aurais jamais. Jamais j'aurais cru que t'étais comme ça. Je crois que c'est comme ça. Je crois qu'il y a une faute. Ah, moi, je. Mais attends, non, on va vérifier tout de suite. Et aussi les, moi, hits, les parodies que c'est du 6-9. J'aurais jamais. Moi, je... Les parodies du 6-9, bien sûr. Des petits seins et un gros cul que j'ai réécouté l'autre fois et qui est terriblement problématique. Bah, je me rappelle pas de ce truc. Il y a un indice. Hein. Ouais. Qui aurait pu s'en douter. Eh les gars, j'ai lu les paroles. Écoutez, j'ai digué. Mediapart a fait une enquête de 6 mois. J'ai pas réécouté il y a pas longtemps. Je m'en suis souvenu il y a pas longtemps et c'est terrible quoi. Vous vous rappelez pas, écoutez, c'est la parodie de la chanson Les gros nichons de la gamine. Bah écoutez, ça a mal vieilli. Vous serez surpris. C'est pas ce que je voulais dire et vous le savez pertinemment. Mais les parodies radio de l'époque ont toutes mal vieilli, ouais. De toute façon. Non, tu me plais, je sais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Eh pardon, ouais. J'étais juste analphabète. Non, non, mais ça se dit jamais. Tu fais des yaourts même en français. Non, mais ça, c'était pas incorrect ta formule. Jamais j'aurais. Bah, c'est bah genre non, une c'est licence correct. Poétique ah, un oui, peu, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est jamais tout. J'aurais c'est... cru que t'étais oui, comme ça, c'est plus théâtral, quoi. Et là, je reconnais Kadi Destroy. Ce qui peut être très. Mais Waka Waka, c'est tard, non, un peu. Ou alors c'est ouais, moi c'est celui la du... bah, c'est la Coupe du Monde. Monde 2012, ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'étais déjà un adulte, 2012. Alors, ouais, mais Fanny c'est pas année 2000, du coup. Que nous. C'est vrai, mais c'est toi... pas année 2000, du coup. Sinon, Confession Nocturne. Ah bah, bien ouais. Sûr, ouais. Évidemment. Mais on l'a, tu vois, c'est comme ah, bah, la boulette, J'irai alors. Où tu iras, où tu m'oublieras. C'est culte, mais on nous l'a trop remis en soirée. Oui. Donc je prends plus de plaisir à la réécouter. Non. Je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Là, moi, toutes les soirées où je vais, là, je Ozone. Plus, là. Ozone, c'est... Ghost Adintei. Ouais. Ozone qui avait mal pris, enfin un des chanteurs d'Ozone, la parodie. Enfin, la parodie. Pas, là-bas, déjà, ils sont... c'était plusieurs déjà. Mais bah, ils étaient trois. Ils étaient trois. Ils dansaient sur une aile d'avion, il était pas tout seul le gars. Oh. Sinon, c'est bizarre. Sinon, ça déséquilibre l'avion. Réfléchis, Adrien. Alors, on serait craché, réfléchis deux secondes. Et donc, dans la chanson, il y aurait eu un crash d'avion. Il y a Manhattan Kaboul, cela dit, ça fait deux. Mais il est... non, un des chanteurs, il avait pas aimé Time Time de Squeezie, Mid et tout. Ouais. Il se moque de nous. Ouais, un peu. Ouais, les gars. Ouais, il avait mal pris, il avait mal pris. C'est bon, frère, ça fait 15 ans. Bah ouais. Oui, mais bon, il a que ça. Le... C'était gentil, vrai. Mais. Ah, moi, j'aimais bien une chanson de Tokyo Hotel aussi, Dirty Monsoon. Ah, Dirty Monsoon. Ah, bah tu vois qu'il te reste de l'allemand. Into the Belt. Oui. Mais toi, il faisait la version anglaise et allemande. Ouais. Et t'as tous tes comme pareil. Nena, mais tous les Allemands font ça. Ouais, t'as tous tes bien. T'as tous tes chambés. En même temps, si tu veux percer à l'international en allemand, c'est compliqué, quoi. Comment c'est ça, non? Non, non, t'as mais. T'as tout, c'était pas chambé. T'as tout, c'est pas chambé. Oh, nothing to say. Ouais. Et banger. Ouais. Moi, première fois que j'ai vu des filles s'embrasser, j'ai pété mon crâne. Continuez. Non, non. Une autre chanson, je veux dire. Une autre chanson. Très facile. Ouais, ouais, ok, ok. Il y en a deux. Non, mais c'est... Il y en a une troisième, mais je l'ai oublié. C'est pas bah, chambé. Il y a All the Things They Say. Il y a They're Not Gonna Get Us. Ouais. Moi, je connais All pas. All the Things She Said. Et il y en a une autre. Et attends, il y en a une autre. Ah, bah oui. Ah, on peut chercher sur Google, oui. Il y a tout moi sur tes. La Sainte Symphonie, c'est culte. La Sainte Symphonie. Oh là là. En fait, je pense que j'ai des grosses lacunes en année 2000. Moi, j'ai rien. Enfin, si, en fait, je dois avoir plein de trucs. Mais comme vous avez vu tout à l'heure avec mon téléphone, je. Dès que c'est les dates, je ne me rappelle plus de rien. Ah merde, l'autre de Oh le badass. Oh le badass. Oh la très bof. C'est la même chanson que celle d'avant ceci déjà. Ceci dit, les trois ont l'air d'être des chansons d'amour contrariées, ça c'est sûr. Bah... Mais Oh le badass, c'était après, c'est des lesbiennes russes quoi. Donc. Oui. Non, il paraît qu'elles pas lesbiennes. Elles n'étaient pas, il les forçait à s'embrasser, c'était marketing et tout. C'est marketing, non mais tout ça. Alors qu'en Russie, c'est très rare qu'ils poussent des filles à s'embrasser. C'est vrai que c'est fou. Alors chers amis, j'ai un jeu à vous proposer. Oui. Vous connaissez les amours, j'imagine. Oh ouais. On va faire les amis. On va faire les amis. Non, les alors... quoi hein ouais. Les wow. amours, non ah. Ah, ok. Les gens savent pas. Alors, surtout là, vous connaissez la finale dans les amours ou pas? C'est ce truc où, par exemple, je demande à Morgane, Fanny connaît-elle? Top. Et je dis des trucs et Morgane va dire oui, ça, je pense qu'elle connaît et dire, d'accord. Alors, on va le faire à la cool. L'idée, c'est aussi de rebondir un peu sur les réponses. Donc, je vais pas mettre. Parce que là, t'as vu que je me tournais en mode compétition. Ouais, j'ai vu. Donc, je commence, Fanny. Je te dis des trucs concernant Morgane. Tu dois deviner ce que c'est. Ok. Vas-y. Et Morgane, tu dis oui ou non si c'est la bonne réponse à chaque fois. Ok. Et je dis si elle sait. Si... Non, tu dis si c'est une bonne réponse. Morgane, Fanny connaît-elle ton plat préféré? Eh oui, je commence facile. Non, c'est la lasagne, hein. Oui, c'est oui, ça, oui. Ouais. Son signe. Son signe. Bouffer des culs. Pas le préféré. Enfin, dans un bar à cul. Ça te passe par là, bon. Ta date de naissance. Ouah, elle va se tromper. Oui. Le 2 décembre. Ouais. C'est ça. Et l'année? Oh, t'as 33 ans, je sais pas compter, donc ça va être. Ouais, allez, 34 ans. Je vous l'accorde. 90. Ouais, c'est 90, mais j'ai 34 ans. 90, ouais. Ça. Ton film préféré? Gangbang à Paris. Ton film préféré? Non, pas du tout. Okay. Aïe. Titanic, non? Ouais. Attends, moi je l'avais. Ouais. C'est moi son pote. Oh, wow. Le nom de son animal de compagnie. D'un animal de compagnie qu'elle a eu. Fanny. c'est dans le spectacle, mais tu l'as vu qu'une fois il y a longtemps. Ah non, j'ai oublié. Ouais. Ah, le petit trip juste avant là. Ouais. C'est dans mon spectacle, mais bon, tu vas pas le savoir. ta destination de vacances préférée? Ah bah la Guadeloupe. Ouais, ma réponse. La qualité que t'apprécies le plus chez elle? Je suis giga sympa quand même. Non. Non, je sais pas. Je suis. Je sais pas. Essaye. Tu peux être schlagos avec moi. Ouais. Oh. Ouais. Non, bah, c'est pas la qualité. Ouais, c'est juste on n'est pas obligé de parler tout ça. Quoi. Ah, mais c'est une très bonne qualité. Voilà. Très bonne qualité. La manie qui t'énerve le plus chez elle? Je sais ce que c'est chez moi. Attends. Ah bah, la manie que j'ai chez moi? Non, que. Ah elle... non. Non, mais c'est quoi là, celle de chez toi? Oui, c'est quand elle pisse la porte ouverte. Attends, on va pas le faire dans le sens après? Si, on le fait, mais là ça m'intéressait de te savoir. Mais attends, c'est que je me range les ongles et que je crache par terre? Oui. Oh, wow. Je savais pas que ça t'embêtait. Je sais que Johnny n'aime pas quand je l'ai fait dans sa voiture pour des raisons évidentes, mais toi je savais pas. Ah oui. Chaque fois je me dis que ça se marque pas. Ah non, ouais. Et quand tu laisses ta valise, je pense. Et quand tu laisses ta valise au milieu de l'entrée aussi. Ça c'est vrai. Et mes chaussures. Et l'heure de la journée que tu préfères? Le soir en culotte quand tu. Non? Si. Ah ouais. Allez, bah pas si mal! Pas si mal, il y a eu des. Franchement, toi, à chaque fois que t'as cru qu'elle a. Pas du tout, mais c'est très factuel. Mais tout ce qui est factuel, je connais pas trop. Hein. Bah oui, mais c'est le jeu des amours, les amis. Allez. C'est le jeu. Adrien, t'es prêt? Alors, je dis d'avance, je vais être nul. Mais non, je vais donner une réponse à chaque fois. Mais non. Enfin, connais-tu le prénom de mon père? Tente au hasard. Non, mais attends, laisse-moi un peu sur deux secondes. Le prénom de ton rep. C'est Daniel, bien sûr. Non, c'est pas ça. Le pays que je rêve de découvrir. La Nouvelle-Zélande. Oh, pas mal. C'est oui. ça. Oui, c'est ouais, ça, bah, c'est ça. Dis-le quand même. Ouais, ouais. L'instrument de musique que j'aurais aimé pratiquer. Que t'aurais aimé. Ouais. Donc que je fais pas. Mais genre, après, je n'en fais aucun. Donc c'est pour le coup. Si, si, tu joues un peu de batterie. Un peu de batterie, ouais. Donc c'est pas la batterie. Non, c'est pas la batterie. Ok. Le piano. Non. La guitare. Ah, ouais, j'ai guitare. Hésité entre les deux. Mon groupe ou chanteur préféré. Je vais dire Alain Souchon. Bah ouais, ça marche. Ça, ouais, okay, ça marche. Oui, en fait. Ouais. Non, non, bah, non. Plus Souchon, pour le coup, plus Souchon. Non, non, je suis beaucoup plus cool que ça. C'est ça qui est cool. Mais c'est le mien aussi, donc elles m'ont conseillé. Le dernier livre que j'ai lu. Oh non, aucune idée. Ouais, non, bah, pff, c'est le livre du Splendide, c'était il y a 6 mois. Oh, donc, ouais, bah, ouais, j'aurais pu ouais. le savoir du coup. Le dernier film que j'ai vu au cinéma. Pff, comment savoir ça bah, d'un ouais, jour à l'autre, ça change. Oui, non, non, je ne sais du pas. Du coup, on regarde ce qu'il y a chez UGC actuellement. Ouais, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Non, c'était Nouveau Caïn. Voilà. Je ne savais même pas ce que. Je j'en pas parlé, que ça j'en ai ce parlé film. La semaine dernière. Oui, oui. Bon. Ma plus grande phobie. Moi, j'ai des noms. Les abeilles, les non, guêpes. Non, non, non, non, non. Ma saison bah, préférée. C'est quoi du coup? Mais du coup, c'est quoi? J'en ai aucune. Ah, tu en as pas? Non, moi, ah. j'ai pas de phobie vraiment. Oh, okay, okay. La mort de ma fille, bro, mais c'est pas une phobie. C'est oui, juste non, ça me fait chier. C'est quoi. Du bon sens. C'est chiant, c'est chiant quand ça arrive. Ça. ma saison préférée? Le printemps? Non, plutôt l'hiver. Oh ouais. Ah, je supporte mal la chaleur. Ah, moi, j'aime pas. Mes cuisses se frottent. Donc je préfère l'hiver. Tu vas me permettre ouais, d'être mais un summer boy. Mais t'adores être en short. J'adore être en short, mais non, je préfère l'hiver quand même. Ok. Je préfère l'hiver. Ouais. Ça va. Tu aurais dit l'automne, ça m'aurait agacé. Ah ouais? Je sais pas, j'ai un truc avec les gens qui disent. Qui... En fait, non. Et les gens, les gens qui. Non, mais les gens qui vont dans des bars ouais. à coquillettes l'automne, ça. Non, les gens qui en font des caisses sur le fait qu'ils adorent l'automne m'énervent. Mais ça, t'aimes pas ceux qui disent la spooky season, c'est ça qui t'énerve. C'est un tout. C'est un pack. Voilà. Ok, Morgane. Qui disent, ouais. Mais non, mais c'est trop bien comme saison parce que tu peux te mettre sous un plaid avec un thé. En train mais de... ça, c'est toute l'année, je suis désolée. Et un bon bouquin. Ouais. Oui, un déjà, bon bouquin. Alors, le bon bouquin. Ouais. Allez, foutez-vous. C'est, voilà. ah, en fait. C'est un truc de gens qui lisent de la merde. Oui, oh, calme-toi. J'ai envie de rager. Et moi, j'ai un compte sens critique, hein, en fait. Ok, je vais te poser des questions, Morgane. J'ai compris. Ouais. Fanny, est-ce que tu es prête? Ouais. Attention, est-ce que tu connais... Alors des fois, il peut ne pas y en avoir, hein. C'est aussi ça ouais. le truc des amours. Hein. Le chiffre porte-bonheur de Fanny. Non. Qui a deux. Ça t'en as ou va 3, ouais, mais c'est vraiment... Ça, pourquoi, ah. pourquoi non, on a le prénom des parents, pourquoi vous avez le prénom ouais. des... Écoutez, c'est un hasard, ouais, commencez pas... Oui, on refait le même, hein, tu connais si, le nom si de elle râle. De quoi? Tu connais le nom non, de toute façon, il y a bah les voilà mêmes qui... Non, mais il y a les mêmes qui vont retomber, de toute façon, c'est ça. Venez, on fait toutes les questions. Tu disais le 3? Ouais. Alors pourquoi le 3? Aucune idée. D'accord, et bah écoute... Elle vient d'inventer, pour donner une réponse. Ok, est-ce que tu connais le dessin animé de son enfance? Pas les totalistes, pas Mulan. Les Mulan. J'ai pas. Ouais, enfin oui, j'adore. Ça rentre. Film ça. D'animation ou série animée? Sinon plus Pokémon. Ok. Ah oh, ouais. Le banger. Ah, c'est très bon. Ça. Ah, oui, tu connaissais tous les Pokémon par cœur, j'ai vu dans une interview. Les 150, oui. Ah 150, ouais. Bah, après, tu vas tous nous les dire. Dracaufeu là. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette mode? Non, de... non, je veux pas savoir. Non mais c'est les Pokémon plantes? Non. Quoi? Me lance pas là-dessus. Mais c'est quoi? Non, pardon. Non, les gens qui spéculent sur les cartes. Ah ça, je m'en bats les couilles. Ouais, toi, par c'est... contre, tout l'été, j'ai joué à Pokémon Go. Ouais. Parce que ma psy m'a dit, faut que tu sortes de chez toi et que tu trouves des centres d'intérêt. J'ai dit, t'inquiète, ma belle. J'ai une idée de 2006 que tu vas adorer. Non mais moi, je trouve ça, c'est dommage c'est que je joue maintenant, je trouve. Ouais, et je regrette de m'en branler des Pokémon parce que je trouve ouais, le concept super. De Pokémon Go est trop bien quoi. En vrai, j'aimais bien, mais je dois arrêter parce que du coup, j'allais plus jamais me promener et je sortais plus de chez moi de manière gratuite quoi. Oui, c'était que pour choper ouais, des Pokémon. Ouais. T'as eu quand même des beaux Pokémon sur Pokémon Go? Franchement, ouais. Sans vouloir. T'es pas là pour flex, on mais. Pas, ouais, okay. Un Dracaufeu. Non, j'avais pas. Il a tout, hein. Il connaît tout. Hein. Je sais même pas si je peux en citer genre 5. Ah ouais? Si tu peux. Tu fais ton intéressant. Non, non, ouais, ouais. À mes yeux, t'es à barre coquillette. Attends. C'est vrai. Je pense pas à 5. Hein. Ah ouais? T'es passé à côté? Rondoudou. Ouais. Pikachu. Ouais. Carapuce, non? Bah, non, j'avais pas. Non, là, non, mais j'aide un peu. Non, non, tu. Ronflex. Ah. C'est marrant, t'en as des très. Ouais, c'est. Végétri. Ça compte. Non, mais y a un truc comme ça. Si ça peut être un nom de Pokémon, ça aime Pokora. Non. Oui, non, ça. C'est celui qui ramène la coupe à la maison. Gradure. Ouais, tu confonds. Gradure. Ouais, ça pourrait tellement. Ouais, c'est tout. Hein. Le chat, tu l'as pas? Chacha. Non. Un miaouss. Ah non. Et ah, c'est ouais. quoi VG truc quoi? Mais il y a pas de. Il y a pas. Non. Ah bon? Non, il y a végétal. Il y a des Pokémon végétaux qui. Ah ouais, donc, non. Quoi. Il y a Psychoquack. Il y a Oh, c'était mon Pokémon préféré, moi. L'ornithorynque. C'est ouais. très logique. Ouais. Sans vouloir. C'était pas Dracofeu. Allez, le quiz. Ah pardon, pardon. pardon. Le film préféré de Fanny? Elle a pas un film préféré. Oui, bon, allez. Ça, j'aurais su pour toi. Toi. Ouais. Rencontre du troisième type. Good Person. C'est quoi Good Person? Zach Braff. Ah oui, je vois très bien. C'est pas ton film préféré? Non, mais j'ai adoré, c'est vrai. Ce serait quoi le top 3? Ça compte alors, de toute façon. Non, mais ça compte, ça compte. On compte pas les points, de toute façon, vous savez. Oui, non, mais. Je sais pas du tout. Mais peut-être les trucs qui m'ont le plus marqué, c'est quand j'étais ado, c'était Coyote Girl. Oh. Parce qu'une meuf qui danse sur un bar, j'étais comme What the fuck? Tu sais que c'est devenu une vraie licence, ça. Ouais, je suis allé à Londres. Ouais, là où il y a Carmen. C'est quoi ce quartier? Piccadilly Circus. Enfin, moi, c'est là. Il y en a plusieurs, je pense. Mais... Ah oui, il y en a plusieurs parce qu'ils en ont ouvert un à Camden. Tu sais, le truc un peu. Ah, ouais. Là où. Là où Caddy Destroy a acheté ses petites bagouses. Là où Caddy Destroy aurait fait un massacre. Camdenian. Et oui, il y a une franchise Coyote Ugly maintenant. Enfin, Coyote Gorge, du coup. Est-ce que tu connais le nom de l'animal de compagnie de Fanny? Bah oui. Oui. Bah, pourquoi t'as réfléchi, wesh? Belle. Non, mais non, son cheval. Ah oui, animal de compagnie. Et actuel. Ah, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Et oui, c'est le pardon, je sais pas pourquoi je suis parti sur le cheval de quand t'as été. Mais pour flex un peu. Oui, je connais le cheval. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, bah, le métier qu'elle voulait faire petite, Fanny? Elles sont bien, les questions. Là. Ouais, elles sont en vrai. Petite. Non, je sais pas. Chanteuse, mais j'en avais pas. En fait, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, j'étais sûre que j'allais mourir avant 18 ans. Ah ouais? Ah. Trop bonne vague. Déjà, voilà. Une vision de la vie bizarre, quoi. Si t'as pas de métier à 18 plus tard, ans, je serai morte. C'est fou, tu devrais avoir un podcast entrepreneurial. Vétérinaire ou morte. Ça, c'est mon autre série pour le coup. La qualité qu'elle apprécie le plus chez toi? Je crois que c'est la même que moi. Ouais, c'est la même. C'est donc c'est quoi, c'est un peu d'être vous-même. On peut être seul en scène, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, ça. Mais d'ailleurs, elle est très différente. Après avoir été seul en scène. Seul ouais, ensemble. Exactement. Bah, c'est notre duo, quoi. Remets les lunettes. À la maison. C'est quoi? D'ailleurs, elle est très différente en public de quand on est toutes les deux. Ah ouais. Et super, c'est ça le truc dont je parlais tantôt, de si on ne s'était parlé que en public, je sais pas si on aurait été aussi potes. Ah cool. Mais je comprends. Alors ça, il y a un truc, c'est un vrai truc ça. Mais ouais. Moi, il y a des gens même qui sont des amis à moi. T'es jamais en culotte avec les autres. Bah oui. Non, mais c'est pas que je suis malhonnête avec. Enfin, c'est pas que je suis pas. Ah non, pas du tout. Mais t'as le masque de la société un petit peu peut-être, voilà. Non, mais il y a des gens qui sont mes amis et des fois. Enfin, je pense que ça fait ça à tout le monde. Hein. Ouais. Mais quand tu les vois que sur les réseaux, tu fais ah, il est temps que je le vois en vrai parce qu'il m'énerve. Ah, bien sûr. Non, mais avec Fafa, première fois que je t'appelle Fafa de mon existence, on fait des petits personnages. Ouais, rien, dès que donc je vais pas faire le jeu de quand je rentre chez elle, c'est à la maison, à la fille, à la maison. C'est de faire un personnage d'aubergiste du Moyen-Âge. Du coup, mais bonjour. J'ai jamais ouvert cette porte normalement depuis 4 ans. Entrez. Venez donc, je vous offre. Dès que t'apportes un plateau, c'est vraiment plié en deux. Et voilà la pitance. Quand on se voit, il faut une bosse. Mais c'est trop bien. Voilà. T'es un peu Igor aussi, quoi. Ouais. Igor, le service, oui, un peu. Exactement. Mon rêve. Moi, j'ai ça maintenant que j'ai ma fille. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Le problème, c'est qu'elle a 34 ans. Ouais. Pardon, le deuxième prénom de Fanny? Non, je sais pas. J'en ai pas. Allez. Voilà. Ma daronne, elle avait la flemme. La manie que ta manie qui l'énerve le plus, elle. Bah, elle l'a dit, ouais, elle l'a c'est dit la porte ouverte. Je voulais qu'on le redise. On dirait vraiment un nom de film un peu indé. Puis c'est la porte ouverte. Ouais. Changer l'eau des fleurs de nouveau et puis c'est la porte ouverte. C'est le 2. L'eau ouais. des fleurs devient de la pisse. Une fois que l'eau des fleurs a bien été changée, on pisse la porte ouverte. Pisser dans l'eau des fleurs. Ça, là, on l'a le titre. Son groupe ou chanteur préféré? Ça change vraiment, hein. Ouais. Ça change vraiment, elle a vraiment des grosses périodes. Ah ouais, mon adolescence. Ouais. De quoi? Celle de mon adolescence, tu l'as? Ta chanteuse préférée d'adolescence? Laurie, hein? Ah non, enfance. Ah. Ça. Ah. Oh, wow. J'ai grandi hein, depuis, j'ai pas raison. On sent qu'il y a un tableau Excel dans ta tête. Non, adolescence, j'ai pas. Ah, c'était Cœur de Pirate. Ah, bah si, ouais, évidemment. Bien que t'as reçu aussi dans le podcast. T'as reçu un peu, bien sûr. J'aurais pu, mais j'ai été prise par la peine. Et là, elle refait. Alors, petite promo, elle refait une tournée cette année. Elle vient de sortir un nouveau single qui s'appelle Cavale, album à suivre. Incroyable. Voilà, bisous Béa. Et le prénom de son rep? Gilles, je sais pas. Gilles, personne s'appelle Gilles et Edda. Comment ton père ? Il s'appelle Joël. Ah ouais. Ah, pas si loin. Pas si loin. Il y a zéro lettre en commun. Le L. Le L. Ouais, ouais, bon, là, oh là là, sur 4 lettres, c'est pas mal. Sur 4 lettres. J'en peux plus. Ok, Adrien, c'est à toi. Mais moi, j'aime bien cette question de la manie qu'il déteste. De chez moi ? Des fois, je mens. Et il aime pas. Ouais. Est-ce que ça serait pas c'est à la machine qui a écrit à moitié. Des fois, je mens et je prends des vélib à travers quand c'est plat, quoi. J'essaie de faire de la promo détournée pour ton spectacle. Non, des fois, je mens et il le sait très bien. Mais tu mens comment ? Non, mais des petits mythos. Je fais non, mais si j'ai fait ça. Il fait, n'y crois pas une seconde. Ah, ouais, pas une seconde. Ah, j'en suis persuadé. C'est ça. Non, et des fois, je le dis et t'aimes pas que je le dise d'ailleurs. Ah bah oui, bah dis-moi. Non, parce qu'il m'en est dans mon caca, donc voilà. Exemple, c'est pas agréable. Mais c'est marrant parce qu'on en a jamais parlé. Non, mais on sait très bien. Oui, mais on l'a jamais. C'est une intervention mutuelle. Non, c'est drôle. Le dessin animé de ton enfance. Les zinzins de l'espace. Non, mais je vois que wow. C'était les motards de l'espace. Ah putain. Et c'était les souris, les Biker Mice from Mars. Ouais, je me suis c'était trompé. Comme les tortues ninja, mais c'était des, c'est ça que des souris putain, qui faisaient de la moto. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Dans l'espace. Un demi-point. Ils venaient de Mars, ouais, mais ils étaient sur Terre. C'est Joule en fait, un motard qui vient de Mars. Je suis encore dans le coup ou pas? Je crois que oui. Non, Morgane doit partir, on applaudit plus. Alors, peut-être c'est niche comme question. Ce que tu fais quand t'as envie de pleurer? Attends, ce que Florent fait quand il a envie de pleurer? Ouais. Ben. Ah, pour se faire pleurer, ouais, quoi. Tu vois, il y a un truc, il y a une raison. Pour se faire pleurer? Ouais. Comment ça? En fait... Tu te fais pleurer? Ben, quand tu vois, tu sens que t'as. Ouais, mais je crois. Sorte. Je crois que. C'est... Moi, je crois que les hommes sont pas trop, ouais. Pas trop conditionnés pour. Ouais. Non mais moi j'ai une playlist. J'ai une playlist. Oui, bon bah lui il est super. Non mais pardon. Et moi bon bah je tape dans les murs en hurlant. C'est ça parce que je suis un homme. Non, moi je pleure, mais Destroy. Mais je me mets pas dans des conditions pleurage, non. Ah, ok. Non. Ah non, mais je savais même pas que ça existait, ça, ah, de se si, mettre dans ouais, des conditions pleurage. Ouais. Et ça fonctionne, vous arrivez à pleurer? Bah, tu sais, c'est que t'as une boule de tristesse, tu fais bon, allez, ouais, là, tu faut fais, que ça. Il faut que ça sorte, comme ça, après, je suis tranquille, après, quoi. C'est comme se faire vomir, mais des yeux. On a le même, non? Et c'est quoi? C'est des vidéos de. Les vidéos de d'animaux soldats qui rentrent ah à la non, maison. Moi, ah oui, ah ouais, avec les hiaches et tout là. Ouais. Sinon, j'en ai une nouvelle depuis que j'ai regardé une vidéo de Seb Lafrite. C'est la vidéo c'est de. Seb Lafrite, il me fait pleurer. Non, c'est la vidéo d'Ariana Grande qui joue dans la ville de Mac Miller quelques mois après son décès. Mmh. Et tu la vois danser en pleurant, c'est horrible. Ah, okay. Et du coup, maintenant, elle est sur mon Dropbox, comme ça, je l'ai sur mon téléphone, sur mon ordi et tout. je vais voir Ariana à tout moi. Moment, ouais. Genre, oh là, faut que je mette un petit Ariana Grande. D'accord, bon, bah pas mal, écoutez ce jeu. Ouais, c'est super. Écoutez, ça permet d'en apprendre plus les uns sur les autres. Ouais. Allez, retiens les lettres. Retiens les lettres. Chers amis, c'est l'heure des recommandations culturelles, quelque chose que vous avez aimé récemment, que ce soit livre, DVD. Non, mais j'ai plus le titre de la BD. Une BD, pourquoi pas. Un jeu vidéo, un film. Morgane Cadignan. La Cadigne. La Cadigne, mon spectacle. La nuit, je mens. Non, C'était déjà une recommandation, Morgane. Oui, c'est vrai. Mais, je t'ai remercié ou pas? Tu m'as envoyé un petit texto, c'est ah oui, très bon, gentil. Ouais, mais tu t'es ah, pardon non, qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Non, le dernier. Bon, allez. Bah, Adrien, le reste est mort, t'es né avant la honte ou quoi? J'ai pas raison. Pisse-moi sur Gézère. Il écoute Nathan Kaboul, on peut pas lui en voir. Non, le dernier livre de Lola Lafon, qui est une de mes écrivaines préférées, qui s'appelle Il n'a jamais été trop tard, et c'est des petites nouvelles, enfin plutôt des chroniques par saison sur les événements qu'ont traversé la vie, ou des trucs très perso, ou à un moment ça parle du Covid ou d'élections, d'accord, machin, et c'est sa là, vision à elle d'écrivaine. Hein, tu dis que ça parle du Covid et des élections alors que c'est, non, c'est sa vision à elle d'écrivaine sur les grands événements Et des trucs perso aussi à elle. Ouais, ça se mélange, mais c'est très écrit, c'est très joli, c'est très poétique. C'est du micro et du macro. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé méga intéressant, c'est qu'elle parle des personnes sans abri qui font la manche et qui dit qu'on a énormément d'attentes d'eux. Genre, on veut qu'ils soient des bons sans abri entre guillemets, tu vois, qu'ils soient pas trop éclatés, qu'ils soient pas trop, qu'ils sentent pas mauvais. On vous donne un euro, mais c'est pas pour boire. Ouais, tu vois, et ça, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment. aussi qu'ils aient le petit concept des fois un peu marrant, ouais. Le petit mot genre. Fais-moi rire au moins, quoi. Ouais, ouais. C'est un salaire. Mon père, il faisait ça, c'est horrible. Il disait, je leur achète des pains au chocolat pour pas qu'ils achètent de l'alcool. Alors qu'on veut dire, bah, laisse-les au moins ça. Ouais, laisse-les au moins acheter de l'alcool. C'est moins horrible que ceux qui disent, tu sais, il y a des gens qui disent un peu genre, ouais, je donne, mais quand ils font quelque chose, quoi, tu vois. Il y a des gens vraiment qui disent ça. Oui, oui. Des gens qui disent, quand ils jouent de la guitare et tout, je leur donne. Et qui leur dit à eux, pas pour voir. C'est pas un enfant, quoi. Fanny ? Moi, c'est une BD de Salomé Laoche qui s'appelle Peur de mourir mais flemme de vivre. Oui, ouais, je l'ai vu passer. Et ouais, génial. Tout est marrant, très bon titre, déjà. Et beau, déjà excellent titre, ouais. Ouais, vraiment bon résumé de la vie. Mais ouais, tout est marrant, tout est vrai. Enfin, il y a des trucs très où tu te dis, ah putain, je pensais être le seul à ressentir ce truc-là, nul. Ouais. Et j'aime bien. C'est quand même très mieux de l'art, ça, je trouve. Ouais, elle a eu des trucs. Je lui ai envoyé un message, pardon. Non, vas-y, vas-y. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, sur Instagram, parce qu'il y a une phrase dans les premières pages où je lui ai dit, meuf, t'es sur mon héritage maintenant pour cette phrase, quoi. Quand c'est t'es quoi, par la mec relouée, ta mère, la grosse bretonne. Tu vois, dit, c'est ça qui est bien dans l'art. Dit, ouais, j'ai eu des problèmes et tout. Et la suite aussi, qui est, dont le titre m'échappe à. Là, c'est le dernier. Ça, c'est le hein, ah oui, d'accord. Mes flemmes de vivre. Ah oui, et le premier, c'est. Bon, ça ressemble. Ouais, je La vie est une corvée. Oui, c'est exactement. La vie est une corvée et peur de mourir, mais flemme de vivre de Salomé Laoche. Et déjà, rien que sur Instagram, il y a plein de strips si vous voulez voir. C'est super cool. Des strips. Trop bien. Des ouais. De dessin. Moi, j'ai vu un film. En ce moment. Un film claqué. Non, un des espèces de classiques du cinéma. En ce moment, je suis dans ma période. Où, ta période cinoche, ouais. Ma période cinoche qui est rare, hein, et que faut savoir la choper. Non, mais il y a une Paramount Plus sur Canal là. C'est le bouquet. C'est vraiment des vieux le films hollywoodiens, pardon. Hollywoodier. Oh, Galinette, hollywoodier. Et bref, il y a plein de classiques que j'avais jamais maté. Et donc là, j'ai maté Marathon Man avec Dustin Hoffman et Laurence Olivier et Roy Schneider. Quel meilleur. Période. Tu l'as regardé hier ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait le marathon de Paris. Ah non, je l'ai regardé hier. T'es pas allé voir les stories des gens ? Non. Non ? Parce qu'il y avait. Bah, en même façon, temps, comme ça que tu sais. Oui, tu postes en story si tu fais un marathon, tu évidemment. Cours 42 putain de kilomètres, moi je t'inquiète pas qu'il y aura une story. Je sais, évidemment. Oui, évidemment. Putain, c'est clair. Et même un post, un carrousel de chaque kilomètre. De chaque kilomètre. 42 slides. Mais c'est vrai que toi tu runs, ils le font, ils le font. J'ai runné ce matin. T'as runné ce matin, mais René Coty, René Lato. Bon bah moi j'ai runné Château Vidéo personnellement. Et marathon, ça t'intéresse pas ? Pas du tout. Même un 10 km, un truc comme ça, c'est... Non, toi t'es dans ton truc. Ouais. Mais je suis dans ta team. Mais 10 km, tu fais ça ? De quoi ? 10 km, tu fais, non ? Bah, facile. Oui, je peux faire des kilomètres, mais j'ai pas envie de m'acheter un dossard pour aller courir avec des gens. Ah, oui, c'est non. Combien de kilomètres un marathon déjà ? 42 et 195 mètres, figurez-vous. Ouais. Ah, parce que. Ah, on me l'a expliqué il y a pas longtemps. Parce c'était que la distance. À Londres, c'était la distance, t'avais pas le droit, ou fallait s'arrêter devant Buckingham et il manquait 195 mètres. C'est quelque chose comme ça. Allez vérifier parce que c'est très inexact. Et ben Marathon Man, c'est un film de John Schlesinger et c'est un espèce de thriller. C'est ces films des années 70 où tout se passe mal. On fait plus trop de films comme ça où vraiment le film et c'est Murphy, pire quoi, en ouais. Pire. C'est vraiment mais des trucs graves aux personnages. Parce que maintenant ça s'appelle la vie. Ouais. Ça s'appelle le gouvernement Macron. Et pas que le monde entier. Trump. ASMR, dépression. Je vais vous donner des mots clés. Il y a des diamants, il y a des anciens nazis et il y a un mec qui court vite. Voilà. C'est Indiana Jones, ça. C'est et non, c'est vachement bien. Alors, faut le regarder encore une fois de bonne humeur, hein, parce que c'est oui. Un peu glauque. Mais c'est. Ah, sauf si tu veux te faire pleurer, ça ouais, c'est peut-être ça. Mais est-ce qu'il y a Ariana Grande dedans ? Il n'y a pas Ariana Grande, non. Elle est assez absente du film qui date de 76. Et, grande absente. Non, il y a un truc un peu kiffant que moi j'aime bien, mais vraiment, je suis un ringard. Ça se passe un petit peu. Il y a des skates. Il y a des imitations de Chirac. Il y a les Chevaliers du Fiel qui jouent dans le film. C'est ça le qui truc ringard. Qui refont la Sim Camille. Non, il y a des plans dans Paris de l'époque et j'aime trop. J'adore. Et j'ai même un réflexe ça, de j'adore. Regarder le nom de la rue pour ensuite ouais. Mater à quoi elle ressemble aujourd'hui. Je comprends passion. Un petit peu, j'aime bien. Donc voilà, Marathon Man et j'ai maté Pale Rider, je sais pas, de Clint Eastwood aussi. Et super film, moi je suis vraiment un vieux papa puisque j'aime bien les westerns. Et là, c'est vraiment le film de western de. Il y a des gens qui se font emmerder par des méchants et il y a Clint Eastwood qui est un guerrier solitaire qui c'est... arrive. Et bah il va taper les méchants, voilà. Ouais, il en a pas fait trop des films comme ça. Franchement, quasiment. Et là, vraiment, et j'étais c'est un ravi. Film de lui ou avec lui? Les deux. Ah ok. Deux et avec lui, mais oui. C'est oui, vrai qu'il a fait que ça comme acteur, et puis une fois qu'il a fait ses propres films, il a fait ça aussi. Oui, mais il les fait bien. Tu vois, genre Impitoyable, c'est génial, ça c'est génial. C'est même, ouais, ouais. En vrai, c'est même pas des westerns, c'est japonais. C'est les Sept Samouraïs, c'était ça aussi. Tu vois, c'est, ils vont chercher des espèces de guerriers solitaires pour sauver les pauvres gens. Et là, c'est ça, et voilà, c'est vachement bien fait. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, Pale Rider et Marathon Man, deux films que je vous conseille. Marathon Man, c'est vraiment cool. Adrien. Et non. C'est non, pas grave. Non, non, non, j'ai rien. J'ai rien. Bon, bah c'est pas grave, Adrien. Eh, t'as commencé The Studio ou pas encore? Non. Non, bah je te le conseille aussi, c'est vachement bien. C'est quoi? The Studio, tu sais, de Seth Rogen sur Max. Et non, sur Apple TV. Apple TV. C'est récent? Ouais, ouais, c'est en cours même. C'est, okay. C'est un épisode par semaine. Ok. Et bah c'est très rigolo. C'est, ça parle de quoi? C'est en gros un patron de studio de cinéma qui est fan de films et qui devient patron de studio, et en gros chaque épisode c'est un peu comme Larry David, ces épisodes se suivent pas forcément. Il doit gérer des emmerdes, okay. et c'est vraiment très rigolo, okay. Et tout est un peu en plan séquence, c'est un peu filmé comme Birdman, avec Michael Keaton, et non vraiment c'est assez cool, franchement. Ouais. Je te conseille, pour le moment c'est vraiment bien. Voilà, bon les amis, c'est la fin de cet épisode. C'est pas vrai. Ouais, mais je vous jure, petit tour de table puisque ça joue en ce moment. Les deux un max, jouent ma max. Ouais. Fanny, tu es en tournée, tu as annoncé l'Olympia, mais ni ouais, plus ni moins. Le 2 janvier le 2026, 2... la team. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes sur S'il Paris. Vous plaît. Mais 1800 peu... personnes, c'est beaucoup quand même. C'est une grosse salle, mais oh que j'ai pas peur pour toi, Fanny. Et tu joues absolument partout en France, j'ai l'impression. Partout en France, ouais, il y a plein de dates. Il y a plein de dates, France, là, je vois. Belgique, international, vu que vous avez dans des fans partout. Oui, j'ai vu qu'il y avait du Québec aussi, Montréal, Québec, tout ça. A... Madrid, Barcelone, Amsterdam. Mais où va-t-elle, mais va-t-elle s'arrêter, celle-ci? Non, voilà. Et le spectacle, il est franchement, je l'aime bien. Je suis trop contente. Non, mais il y a des fois où. Enfin, le premier spectacle, il y avait des fois où je me sentais pas méga fière de le montrer. Et celui-ci, vraiment, je suis trop contente. Donc, trop bien. Cool. Génial. Bah ouais, je vois qu'il y a du Bordeaux, du Nantes, du Toulouse, du Montpellier. Vous allez sur fannyruet.com, il y a la grosse photo de l'affiche, vous scrollez un peu vers le bas et là il y a toutes les dates. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le site, il est très bien foutu. Il y a aussi ton court-métrage qui est sur Canal, oui. J'ai maté, qui est trop bien. Merci. Mais ouais, qui est trop marrant, je t'ai même pas envie de me une grosse merde. Bingo, effectivement, qui est sur MyCanal en ce moment, donc vous pouvez le mater. Oui, c'est ça, MyCanal. Oui, tout à fait. Et voilà, je sais que tu écris, voilà, tu écris en ce moment des petits projets. Je oui. Non mais dis-moi. Oui, j'ai oui, dit que j'ai... oui, oui, tout à fait. On écrit de l'audiovisuel, mais bon, l'audiovisuel, oh, peut-être ça qu'est-ce sort qui se finance, dans. Qu'est-ce voilà. qui ça, on ne sait pas. Hein. J'attends les subsides, t'inquiète. Morgane Cadignan, La Nuit Je Mens, spectacle oui, que fait. Tu joues à Paris tous les mercredis. Mercredi à 19h à la Comédie de Paris jusqu'au 25 juin. Donc eh oh, en fait, eh, mine de rien, ça va filer. Ça va filer. Ça va passer vite. Mais tu vas pas nous faire chier, tu vas pas faire que ça. Non, je vais pas faire que ça parce que quand je vais même. Faire une tournée après. Eh oui, la nuit. Mais non, venez parce que après vous sortez à 20h20 et vous pouvez encore aller en terrasse, donc ça, c'est super. C'est génial. C'est incroyable. C'est vrai que moi quand elle m'a dit, parce que j'ai été invité, elle m'a dit 19h. Donc au début j'étais genre 19h c'est très tôt, et en fait j'ai adoré. C'est adoré. Génial. Moi, quand ça s'est fini, je me suis régalé d'un kebab seul. Ah, vraiment, c'était un grand moment. C'était vraiment un homme et son mauvais grec, quoi. C'était Edward Hopper, quoi. T'étais beau. Non, mais c'était vraiment bien ton spectacle. Bah, merci vraiment, beaucoup. C'était et, super cool. Et après, on écrit des choses, effectivement, mais qui vont rester dans le secret pour l'instant. Évidemment, on n'est pas là pour en parler. Adrien, Ange et compagnie. Y a bah, rien. Si, ah, oui, pardon. Ange et compagnie au cinéma. Oui. Attends, oui, bah oui, non, mais pas, moi. On voit 7 minutes, hein, même pas. Mais tu joues. Oui, non, mais. Mais dans un film, c'est beaucoup quand même. Non, mais en plus, c'est beaucoup moins. De Vladimir Rodionov avec ouais, Omar ouais. Écrit Elodie Fontan. Mais t'as écrit. Allez. Aussi, non. C'est Navo. Oh, je me suis trompé de deuxième du bino. Mais oui, Marina Rollman, réfléchis. Oh oui, j'ai un petit rôle, mais je suis très content d'avoir un rôle dans ce film. Et je suis très content, surtout, que Vladimir sorte son premier film, parce mais que ouais. Vladimir, c'est celui qui m'a donné. La foi, déjà. Il n'aime pas que je dise que je lui dois ma carrière, mais quand même en partie. C'est vexant pour lui. Tu peux arrêter de le dire. En fait, non, mais je suis pas vexé, juste arrête de le dire. Non, parce que c'est lui qui m'a fait rentrer à Golden Moustache à l'époque où c'était pas du tout mon métier et tout, et du coup c'est grâce à lui que Before je fais ça. Was cool. Et du coup il fait son premier film et c'est trop bien, et puis mais il vient de nous en parler. Il m'a rappelé. Il va prendre un petit rôle et c'est trop cool. Il est invité là dans quelques épisodes, il va venir nous en parler pour les auditeurs que ça intéresse. Yeah. Voilà, tout simplement. Bon, merci tout le monde. Merci. Salut. Ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein?